merci à tout le monde. Encore une grosse soirée comme tous les soirs avec vous. Tous les soirs, on est là dès 20h sur Fun Radio pour laisser vos messages sur le répondeur de Love in Fun 01 42 48 5000. On vous retrouve dès demain. Jour férié, on sera là, bien sûr, hein, yes, dès 20h comme Mickaël, oui, qui sera là à 23h. C'est bien que vous le précisiez. Bien sûr, pourquoi méchant que tu es. Attends, 5 minutes. Hop, hop, hop. T'es là demain, toi? Bah, bien sûr, je suis là demain. On a que dalle, il a enregistré toute l'après-midi. Ouais, ouais. Tu parles. Eh bien, on verra bien, on verra bien. À partir de 23h. Pas de problème. Non, on sera là, bien sûr, pas de problème, ouais. Bon, et bah, bonne soirée à vous. Retourne merci beaucoup. À 20h alors. Yep. Ça marche. Ah, oui, pour la dernière de la semaine. Très bien, parfait. Plaisir. Retourne le VinFun demain 20h et puis bah, c'est parti là. Jusqu'à 2h. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé, tirer votre coup, vous avez raté ça. Une fille veut me faire une fellation, mais je sais pas quoi faire pendant qu'elle me sucera des conseils. Bah, kiffe, mec, t'en prends pas la tête. Hein. Non, mais tu profites, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lire un journal? Tu veux bouffer, manger une banane? Je peux dire quelque chose, Toff? Ouais. Va te faire enculer. Mickaël No Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exact, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, vous avez pu le remarquer, hier soir on s'est bien marré, comme avant-hier, comme avant-avant-hier, comme la semaine dernière, bref, comme tous les soirs en l'occurrence. Et je rappelle également que nous sommes là de 23h à 2h. Et oui, même une veille de pont, on est là, demain on sera là aussi, pour que vous ayez quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. Et donc c'est comme ça, du lundi au jeudi de 23h à 2h, et puis le dimanche de 20h à minuit également. On va d'ailleurs accueillir Pierre qui est avec nous de Brest. Salut Pierre. Salut de Brest. Ouh, t'es un doux toi. Oh. Ouais. Ah ouais, t'es un bon doux toi. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué. Et le doux Pierre. Ouais. T'es encore debout à 23h toi. Bah ouais. Ah bah c'est ouais. C'est pas exagéré, hein. Bon bah, dis donc, t'as cours à quelle heure demain? Y'a pas cours demain. Ah oui, je suis con. Ah oui, non, bah alors, ah bah non. Ah là, les doux peuvent rester jusqu'à 2h. C'est vrai, je suis con. J'avais au moins le pic. Ah, il peut faire nuit blanche. Le pire, c'est que je viens de dire, il y a le pont, machin, tout le bordel. Ouais, t'as cours quand demain? Et juste, t'as cours à quelle heure demain? Mais t'es complètement à la ramasse. Bon, alors, très bien, pas de problème. Bon, est-ce que tu es déjà doux officiel? Non. Bon, alors, attention, je te passe Polo immédiatement. Salut, jeune doux, comment t'appelles-tu? Pierre, est-ce que tu veux rentrer dans la grande famille? La mafia, j'ai failli dire. La grande famille et l'armée des doux? Bah oui. Mets-toi à genoux, Pierre. Je suis à genoux. Tu es à genoux, insulte-toi. Je suis un top. Je suis un top. Encore? Non, pas autant de violence dans les insultes, s'il vous plaît. Bon. Je suis un top. Prends ton téléphone. Il est dans ta main? Ouais. Tape-toi sur la tête. Encore! Quelle violence! Pierre, tu es officiellement doux, bravo! Ouais, eh ben voilà! Ouais. Alors comment s'appelle-t-il? Le doux breton! Le doux breton! Bah oui, voilà. Forcément, il vient de Brest, très bien! Bon bah voilà le doux breton, on aura bientôt, on les a pas encore, mais on aura bientôt des petits cadeaux pour les doux, pour tous les doux qui vont passer, tous les doux qui seront devenus officiels! Voilà, donc ce sera bientôt pour toi le doux breton! Bon, t'as passé une bonne journée, Pierre? Oh bah. Non! Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à la base, on devait avoir cours que la matinée et on a eu cours toute la journée en fait. Oh les enculés. Donc, c'est alors cool. Ça, c'est vraiment le truc d'enfumeur quoi. Le truc d'enfumeur, du coup, t'as eu cours jusqu'à 4h? 17h10 exactement. Oh là là, 17h! Oh les chiens. Bon bah écoute, l'avantage au moins, c'est que t'es en congé maintenant, t'es tranquille jusqu'à lundi. Ouais. Bon bah voilà, bah faudra en profiter, c'est très bien. Bon bah salut à toi, Pierre, en tout cas. Tu veux écouter un son ce soir en particulier ou pas? Mr. Probs, bah oui, ça c'est possible. Attends une seconde, où est-ce qu'il est celui-là, Mr. Probs? Je l'avais. Voilà. Et bon, on le mettra tout à l'heure, le son de Mr. Probs, sans problème. Je vous avais calé également le son d'Avicii, bien sûr, hein. Un de mes sons préférés, Lay Me Down. T'aimes bien celui-là, là? Ouais, ça va. Bon, tu peux dire non, ça me dérange pas, hein. Moi j'aime bien, je le mettrai tout à l'heure. Ça va. Bien. Il y aura 10 euros aussi, avec 5 Hours. Et puis Chilo. Oui. Aussi. Bien sûr, puisque t'es devenu un doux officiel, tu as même droit à deux dédicaces. On les mettra à Katy Perry aussi dans quelques minutes. Vas-y. Dédicace à mon petit frère Louis. Ouais. Et à tous ceux qui m'écoutent et qui me reconnaissent. Eh ben très bien, pas de problème. Salut le doux breton, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi. Et puis on va saluer Toff également qui est en pleine forme avec de nouveaux amis. Allez, nique ta mère à la pute. Voilà, des nouveaux amis avec lesquels nous ferons connaissance ce soir. Bien sûr. Évidemment, comme tous les soirs, vers 23h30, minuit 30, 1h30. On appelle afin de De rencontrer des gens. Oui, bah pas forcément de rencontrer des gens, mais surtout on tombe souvent sur des études et c'est surtout par rapport à la on vérifie l'étude quoi. Bah toujours. En gros c'est ça. Puis parfois on tombe sur des gens un peu violents. Va te faire enculer, gros con. Voilà, donc des gens pas très gentils quoi dans l'absolu. Bah oui, c'est... Bon, en gros, bah, si vous connaissez des gens qui sont comme cela à peu près, hein, qui ont un petit peu de mal à se réveiller, enfin qui sont un peu agressifs au réveil, eh ben n'hésitez pas à donner tous les numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Sandro en pleine forme. Sandro en pleine forme? Oui! Ah bah quand même, allez, je suis au travail, je suis débordé! Ah oui, ça sonne de partout. Mais pourtant Sandro est de très bonne humeur puisque un auditeur, Titi le pâtissier de les deux émissions, va nous apporter un gâteau. Ah, comme c'est mignon. Ah, un gâteau, une tarte à la fraise, à la pomme, exactement. Il a mis la photo sur le Twitter tout à l'heure. Je l'ai vu, je me suis dit mais tu es les bienvenus, il n'y a pas de problème. Le général Dédou est en pleine forme également ce soir, vous avez pu le remarquer. Ouais, il va bien, il est en forme, il pète la forme, il embrasse tout le monde, il salue les gens qu'il connaît, qui ne reconnaissent pas. Voilà. Et le chauffeur de taxi hier qui m'a reconnu, qui m'a parlé de Tof. Ouais, exactement, il a pris Polo pour Tof, c'est fort. Ouais. Et il était ravi d'ailleurs. Ouais, bon, je suis tombé dans les pommes. Il y a Lilou qui est avec nous également pour la colle. Salut Lilou. Bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Ça va, ça va. Dis donc Lilou, t'es pas en train de nous enfumer toi? T'avais pas un autre nom quand t'es passé la dernière fois avec ton accent là? Mais non, parce que c'est mon adresse Lilou. Ouais, mais ton prénom c'est comment? Ça sent l'enfant. Laura. Ah, Laura, ouais, Lilou, c'est genre. Je vais essayer de passer l'aperçu, c'est avec un accent espagnol, hispanique, bruxellois. Italienne, pardon, ouais. Italo-bruxellois. Elle a cru qu'elle allait passer à travers les mailles du filet. Mais non, parce que dans mon adresse, c'est marqué Lilou. Oui, et bah oui, bah y alors. Escroc. N'importe quoi, je te jure. Mais non, Lilou, c'est moi. Et voilà, c'est ça. Et alors, bah, dans l'adresse mail de Tof, c'est tête de con à tfunradio.fr. Et on l'appelle pas tête de con pour autant, tu vois. Oh, je te jure. Bon, Lilou, bah, fais péter la colle puisque t'es là pour gagner la Nintendo 3DS XL. Vas-y. Personne ne me veut. Mais on quand s'en fout de ta vie, non, je... Bon, vas-y, vas-y. Alors, personne ne me veut. Mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Oh là là, bon, je vais répéter. C'est toujours aussi dur. Je vais répéter. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. La bite. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est la bite? Non, c'est pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Il y a la Nintendo 3DS XL à gagner. Vous envoyez Mickaël suivi de votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS. Au 6322 depuis la Belgique et je vous mets la colle dans quelques secondes sur le Facebook de l'émission. Je vous la mets à 23. Ouais, d'ici quelques secondes quoi, voilà, le temps de la poster, le temps d'écrire et de la poster. Ce sera dans moins d'une minute. Voilà, facebook.com/mikaelofficiel. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, on donne la réponse avant minuit 30. Bon, Lilou, tu restes avec nous? Oui, oui. Très bien, bah bouge pas de là, on aura le je t'emmerde également tout à l'heure. Il y a Mathieu qui a envoyé son message, continue à nous faire rire, bande de fiottes. Eh bah merci Mathieu, t'inquiète pas, c'est prévu jusqu'à 2h ce soir. Tof, l'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre et toi, vu ta gueule, t'as dû rater quelques branches. Ça m'a fait rire. Que de violence. Moi ça m'a fait rire. Pouf, et là je soutiens Tof le Polo. Merci Polo, ouais. Merci. Enfin, un peu Dim, d'amour. Il y a Dim qui dit aujourd'hui je peux écouter Mickaël jusqu'à 2h car demain pas court. Cool. Eh bah oui, on a du monde ce soir. Lily aussi, je suis en vacances à partir d'aujourd'hui, j'ai fini les cours. Est-ce que je peux avoir un message spécial? Écoute, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Va niquer ta maman la putain. Voilà, bon ça n'a rien à voir avec ta mère, comme je le dis d'habitude, je ne la connais même pas. Mais en tout cas, bien toi, bravo à toi, les vacances, ça y est, profites-en bien, en tout cas Lily. Damien qui dit salut à toute l'équipe, encore une soirée qui s'annonce énorme. Et salut Mika, il y a une plainte pour Tof, ils peuvent aller jusqu'à l'interdire, non, c'est Yvan. Non, bah il n'y a pas eu de plainte, il y en a eu une évidemment, hein, où ils ont dit que ces appels, c'était des appels malveillants à caractère pornographique. Voilà. Mais depuis, ça s'est plutôt calmé. Oui, j'ai pas de nouvelles. Plus de nouvelles pour l'instant, donc mais on verra bien. Mais bon, je risque quand même un an de prison et 150 000 euros d'amende. Oui, voilà, mais ça nous débarrassera pendant un an, c'est bien. C'est cool, bah ça fera du bien en plus, ça te fera des vacances gratos. Et puis on a réussi à faire l'émission en direct de chez moi, on arrivera très bien à faire l'émission en direct de la prison. Bah hein, oui, on trouvera bah voilà, système. Tranquille, il y a Marie qui dit coucou, Michel. Jérôme. Bah oui, c'est ça. Kerviel. Bah bien sûr, il n'est pas le boss de la radio. Son Altesse Sérénissime. Il ne va pas en prison. Personne parle mal de Jérôme là-haut, sinon je lui pète la gueule. Coucou, Michouchou, sauf Tof, comme toujours, Polo et Mickaël les plus beaux, et Tof, tête de balai à chiottes. Oui, je pense que tu as bien résumé la situation, Marie, mais je te remercie, je te fais des bisous également. Et j'imagine que vous avez tous vu la photo des Wendy. La photo la fameuse. Ouais, où on voit deux mecs du groupe dans une voiture qui fument une cigarette roulée. Il n'est pas prouvé que c'est de la drogue, mais bon, en même temps ils disent eux-mêmes que c'est du shit. Donc même si au Pérou évidemment on peut avoir un gros doute sur ce que ça peut être, bien entendu, mais en même temps ils le confirment, donc on est tranquille. Bah, je voulais vous demander si ça vous choque ou si vous vous en branlez en fait de la photo des One Direction. Ça a fait le tour du web aujourd'hui, sur Facebook, sur Twitter, on a parlé que de ça. Je demande ça parce que donc depuis ce matin effectivement il y a cette photo qui est sortie. Les gens tapent scandale alors que bah, s'ils avaient rien dit, personne serait au courant, tu vois. Et c'est eux qui ont dit eux-mêmes. Alors, j'ai le texte exact. Ils ont dit. Alors, attends, merde. Moi, j'aurais quand même préféré les voir en train de se faire enculer, quoi. Ouais, merci. Non, mais ça va. Voilà, il dit nous voilà quittant le Pérou, joint allumé, jours heureux. Voilà. Donc, et il dit tandis quoi, Zayn, de ce genre de substance. Et donc, voilà. Donc, c'est ce qui a fait le bordel avec les One Direction. Donc, si vous avez un avis à donner là-dessus, bah, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous nous appelez, on parle de ce que vous voulez ce soir, évidemment, comme d'habitude, jusqu'à 2h du mat. Et puis bon, on va saluer également notre pâtissier qui est passé nous voir. Comment va la pâtisserie? Ça va, merci. Ah, très bien. Alors, un petit gâteau ce soir. Voilà, comme promis, j'ai ramené la tarte aux pommes. Pour Polo en plus, c'est lui qui adore la tarte aux pommes. Voilà, pour Polo. Enculé, mais Polo. Non, mais vous avez mangé de la tarte aux pommes. Non, mais bien sûr, on va pas manger la tarte aux pommes entière. Ah, bah, je te confirme que tu l'auras Sandro pas. Sandro peut, mais pas moi. Sandro pourrait bouffer la tarte aux pommes toute seule, effectivement. Ouais. Mais bon, bah très bien. Bon, on va déballer tout ça et puis. Et puis on va manger. Et puis on va manger, évidemment, bien entendu, ça tombe sous le sens. Bon, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Il y a Céline qui toute la team, vous allez bien. Bon, on va plutôt pas mal. Et Sandra B aussi. Coucou tout le monde. Salut Sandra B. Continue avec tous vos messages avec le hashtag Mickaël. On fera le top tweetos tout à l'heure. Et nous aurons également, eh bien, le Je t'emmerde, ce magnifique et grand jeu que nous faisons tous les mercredis, ainsi que le karaopé. Mais ça, c'est un peu plus tard dans l'émission. On a le temps, évidemment, de voir venir. Il y a Damien qui dit on s'en branle des Wendy, c'est des cons. Voilà, comme ça, moi, ça a le mérite d'être clair. C'était Damien qui avait envoyé le message. Continuez avec vos messages. Et appelez-nous également 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va faire les appels au top dans moins de 10 minutes. Il y aura aussi le son de Katy Perry comme promis. Et ce sera Birthday sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limite. On est en direct jusqu'à 2h. Passez le message autour de vous. On est là sur Fun Radio, 23h, 2h la semaine, 20h minuit dimanche. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limite. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en liberté, puis surtout on est en direct hein, jusqu'à 2h du mat. Là, il y a Céline qui dit perso, je m'en fous hein, des Wendy, très bien. Célia qui dit les Wendy, on les voit avec, c'est moins grave que Justin avec deux potes qui fument. Et Joshua aussi qui dit demain c'est férié, j'en profite. Eh bah ouais, on aura du monde ce soir jusqu'à 2h du mat, c'est cool. Bah prévenez vos potes, hein, c'est l'occasion là, de prévenir toutes et tous, là, tous les potes. D'ailleurs, si ce sont des amis, comme je le dis tous les soirs, hein, si ce sont des amis ou de la famille, il est normal que vous les préveniez qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Parce qu'ils sont peut-être pas au courant, c'est normal, quand on a des habitudes, on n'a pas forcément tendance à les changer. Et du coup, on s'abrutit en écoutant des émissions merdiques. Donc il faut les prévenir qu'il faut parfois tourner le bouton pour aller écouter ce qui se passe à côté et se rendre compte qu'il se passe probablement quelque chose de plus sympa. Donc si vous voulez les prévenir, vous êtes les bienvenus. Fun Radio, 23h, 2h la semaine et évidemment 20h minuit tous les dimanches soirs. On sera d'ailleurs là en direct demain soir et dimanche soir, bien entendu. On reviendra avec la colle de Lilou pour gagner la Nintendo 3DS XL. On aura le Je t'emmerde avec, bah avec vous. Hein. Si vous voulez participer, bah vous nous appelez également et puis on va lancer les appels de Toff. Ce sera dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son de Katy Perry maintenant sur Fun Radio. Katy Perry avec Burley. Il est 23h15, c'est Mickaël No Limite. On est en direct sur Fun jusqu'à 2h. Bienvenue. Feeling nothing's going right. Happy birthday. 23h, 2h. Touchdown. Mickaël No Limite sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et vous restez là, hein, puisqu'il y aura Gino avec First Love à suivre. Il y aura les appels de Toff qui vont débarquer également. Et il y en a beaucoup qui se demandent. Qu'est-ce qui va se passer ce soir dans les appels? Eh ben, dans les appels malveillants à caractère pornographique, il va se passer certainement pas mal de choses. Et un truc dont on ne doute absolument pas, c'est qu'il se passera probablement ça. Allez, nique ta mère la pute! Probablement. Va te faire enculer, gros con! Voilà. Paniquer ta maman la putain. Voilà, donc c'est tout ça, c'est ce qui risque de se passer ce soir. Donc, si vous avez des numéros de téléphone aussi charmants que. Enfin, des numéros de téléphone de personnes aussi charmantes que celle-là, n'hésitez pas bien entendu à partager. Vous faites tourner sur le mail tof, toph@funradio.fr. Et je tiens à remercier également notre pâtissier, hein, donc c'est Titi le pâtissier. La tarte est coupée, qui nous a ramené une TGN tarte aux pommes et surtout qui m'a ramené une bouteille de Mojito. Qu'on n'ouvrira pas ce soir parce que j'ai de la route à faire, bien évidemment. Oh, bon, alors là, mec, bon, je peux te dire que. Alors là, je vais la garder pour ce week-end. Ils annoncent un beau temps samedi. Ça me fera ma petite bouteille pour le barbecue. Voilà, bon, je vous la mets, je vous mets la photo sur le Facebook de l'émission dans quelques secondes, à le temps de la faire. Et puis, comme ça, vous verrez, vous pourrez. Profitez comme moi, mais juste visuellement, bien entendu. Hein. Facebook.com/MIKL officiel. Et je rappelle également que ça fonctionne sur le Twitter de l'émission. Je vais la mettre dans quelques minutes. Si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Je vous rappelle également que si vous faites un petit follow sur le Facebook, sur le Twitter, sur l'Instagram et même sur la page YouTube, eh bien, je vous followerai également à mon tour. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, où j'ai mis la vidéo de Polo en train de traquer Tof à coup de Nerf. Ah oui, de nerf surviolente. Ouais. Donc voilà, la vidéo elle est disponible. Vous pouvez aller la voir. Donc tapez simplement MIKL officiel sur le YouTube de l'émission. Vous vous abonnez à ma chaîne et je m'abonnerai à la vôtre. Sinon tu dis, t'as cru qu'on était 150 dans l'équipe ou... Elle est au top la tarte. Parce que non, mais vu la taille de la tarte, je parle. Il reste déjà plus que la moitié. Hein. Ouais, enfin bon, il reste la moitié, mais Sandro est pas passé dessus encore. Hein. Sandro va passer dessus. Pas. Non mais elle veut pas maintenant, mais elle voudra dans 5 minutes, t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour elle. Il y a Élise qui est avec nous également maintenant dans l'heure là. Salut Élise. Salut Élise. 23h21. Salut Mickaël. Quoi? Dans l'heure? Putain, pauvre con. Hein. Ah bah tu prends une minute. Non. Et une minute au coin. Voilà, tu ne parles plus, c'est aussi simple que ça. Au moins comme ça on est tranquille. Bon, ça va bien Élise? Oui. T'es en forme? Oui. T'as passé une bonne journée? Oui. T'as fait quoi? Oui. T'as fait du shopping, ça va pépère. Elle a quel âge? T'as quel âge? 12 ans. Oh mais t'es une douce. Oh elle est mignonne. Oh mais t'es une toute douce encore là Élise, c'est bien. C'est fort. Mais grave. Bon Élise. Oui. Et, tu voulais donner ton avis par rapport au One Direction toi, c'est ça? Oui. Qu'on les avait, bah, j'ai, oui, mis le, j'ai mis le pas sur le, j'ai mis le, j'ai tweeté avec la question justement. Ils se sont fait gros gauler, enfin gauler, c'est eux qui ont mis la photo. Hein. Mais bon bref, ils ont avoué qu'ils fumaient des joints, etc. Ça a scandalisé tout le web. Et donc je vous demandais si ça vous faisait quelque chose ou si vous en aviez rien à foutre. La majorité des gens n'en ont rien à foutre, donc on va pas y passer 3 heures non plus. Et toi, c'est quoi ton avis, Élise? Ben bah, moi ça me choque parce qu'on m'a toujours dit que bah c'était super bien et tout. Qu'est-ce qui était super bien? Bah, ils étaient sympas, ils faisaient pas de conneries, pas comme. Ouais, mais tu peux fumer un joint et être sympa, hein, mais oui. Ça n'est pas le problème. Ah, il paraît que ça aide pour rendre sympa. Ouais, ouais. Non, mais après, ça reste, oui, ça reste mauvais, etc. Il faut pas le faire. Mais voilà, après, ça n'empêche pas que la personne peut être sympa. Oui, ça. Mais, tu regardes, Polo ne fume pas de joint et pourtant, c'est un trou du cul. Je suis une horreur, moi. Tu vois? Pas, je suis le mec le moins sympa au monde. Oh, n'exagère pas, il y a un non, peu. Non, il y a pire. Si, ouais, non, si, il a peut-être raison, ouais. Il a peut-être raison, ouais. En fait. Il a peut-être raison. Donc toi, du coup, ça t'a choqué? Bah oui, quand même. D'accord. Attends, on va prendre l'avis également de Linda qui est avec nous de Caen, dans le Calvados. Salut Linda. Salut Natal. Ça va bien? Ouh, t'as le téléphone, on dirait le téléphone de Jean-Pierre Sauzère. Ouais, je peux faire une vanne ou je serai puni? Non, tu seras puni si tu l'as fait. Ça va bien Linda? Oui. Bon, c'est t'appelles avec le téléphone fixe, toi, non? Non, avec mon portable, mais c'est pas grave. Vous avez remarqué que le téléphone pète? Oui, oui. C'est très pratique. Bon. Linda, c'est quoi ton avis, toi, par rapport à ce gros feuilleton qu'il y a eu aujourd'hui sur les Wendy? J'ai horreur des Wendy. J'ai rien compris parce que le téléphone est tellement mauvais que je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Tu essaies de me dire quoi, Linda? J'en ai rien à foutre. Ah, et ben voilà, très bien. Donc on peut passer à autre chose, on classe l'affaire, là, c'est fini, on parle d'autre chose. Ouais, voilà. Et ben voilà, c'est plié. Et ben merci les filets de passer, vous revenez quand vous voulez. Hein. Je peux passer une dédicace? Bon, ben vas-y, Élise. Ma choupetta, qui est un peu ma meilleure amie. Très bien. Et à mes deux petites sœurs, et bien sûr à ma blonde. Évidemment, bien sûr, il n'y a pas de problème. Le message est passé, il n'y a pas de soucis non plus. Salut Élise, gros bisous à toi. Merci. À bientôt, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Bon, allez, on va parler de choses sérieuses maintenant. Est-ce que vous avez lu 50 nuances de Grey? Oui. Oui. Oh là là là, bah, j'ai feuilleté, moi. Bon, bah, si vous ne l'avez pas lu, vous allez bientôt pouvoir voir le film, pardon. Mais Polo a certainement une analyse de ce livre. Eh bien, en tant que... Est-ce que je peux avoir la musique de l'élite littéraire? Bouillon de culture. Bien sûr, évidemment, la musique de... Hop là. Eh bien, comme vous savez, j'ai une grande passion pour la littérature, des grands noms, Victor Hugo, Hemingway, etc. Et un jour, j'ai entendu parler de ce fameux ouvrage, que j'ai feuilleté à la FNAC. Oui. Et en fait, c'est une grosse merde sans nom, voilà. Du début à la fin, c'est de la merde, c'est mal écrit. Il n'y a aucun intérêt à lire ce truc à part d'être une fille écervelée. Non. Et donc voilà, non, prenez-le, jetez-le à la poubelle. Non, lisez les 100 premières pages, c'est les seules qui sont un peu sympas. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, je l'ai lu en entier, franchement, c'est de la merde. D'accord, voilà. Comme ça, nous voilà au moins. Il n'y a rien de réaliste dans ce bouquin, enfin, c'est. Bon, ben, très bien. Au moins, l'information est passée. Voilà. Donc, c'était du coup. La minute littéraire. Voilà, merci beaucoup. Donc, si j'en parle, c'est parce que ça a donné envie à plein de vieux d'essayer de faire comme dans le bouquin, sauf qu'ils ne se sont pas vraiment préparés. Et du coup, c'est le drame, les MST sautent en hausse chez les plus de 45 ans. Bah oui. Fallait-il s'y attendre? Donc Tof, tu vas appeler tes amis pour voir s'ils pratiquent le fou à la maison? Mais avec plaisir. Voilà. Et venez nous dire aussi si 50 nuances de Grey vous a donné des idées et si vous avez peut-être déjà pratiqué peut-être pas forcément le fouet, mais des trucs qui peuvent parfois faire un petit peu mal, genre des petites fessées, genre plus, hein, ça peut être le fouet aussi, cela dit au passage. Donc vous nous appelez, on en parle, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Qu'est-il pâtissier, il a déjà pratiqué lui, une tête à pratiquer le fouet, non? Non, du tout. Bon, jamais. Arrête. Même pas jamais. Un petit coup de fouet comme ça, là, qui fouet, passe. Là, pour, un petit coup de pâtisserie. Non, non, jamais. Arrête. Parce que regarde, Tof, ça l'excite quand. Ah, ouais, moi, c'est le salope. Quand il sait qu'il va le prendre, là. Ah, là, j'ai déjà une demi-molle. Hein. Ouais. Ça l'excite. Ah, grave. Tu vois? Ça l'excite. Ça me rappelle la croix. Ah oui, bah oui, pour rappel, pour les nouveaux auditeurs, je rappelle que Tof adore et a déjà pratiqué à maintes reprises le... la croix. C'est du sadomaso, c'est du SM, hein, ouais, voilà, ouais. Il fait dans une cave attachée sur une croix. Humide, là. Une croix en forme de X, hein, pas c'est une croix catholique. Une croix en forme de X, il était attaché dessus avec du barbelé et puis il se faisait enculer avec un god au barbelé. Un god offert par passage du désir.fr. Évidemment, bien entendu. Je suis très heureux d'être associé à ce moment. Non, je voulais dire par contre, si, parce qu'on m'avait promis une croix qui n'est toujours pas arrivée, si quelqu'un. C'est vrai. À une autre croix, ça m'intéresse. Tout à fait, bien sûr qu'on mettra dans le bureau. Non, mais enfin, si quelqu'un a une croix chez lui, je suis prêt à me déplacer. Ah, bah, très bien, monsieur se déplace, c'est cool. Ça, c'est un peu entre nous, mais est-ce qu'on peut arrêter de mettre toutes les merdes possibles dans ce bureau? Oui, parce qu'il faut savoir que Polo est arrivé avec un vélo ce midi, mais un vélo d'appartement, hein, donc il est arrivé dans le bureau avec ça, je me dis, qu'est-ce qu'on va foutre avec un putain de vélo d'appartement? On me l'a donné, j'étais dans le couloir, il y a un mec qui se balade avec un vélo, il me dit, ouais, on va le jeter. Je dis, bah non, on va le prendre. Voilà, et comme Polo ne veut rien jeter, veut rendre à César. Qui est à César. Et même ce qui n'appartient pas à César, il veut quand même le rendre à César. Du coup, il débarque avec plein de bordel qu'il y a dans le bureau. Bref, non, dans le vélo, je suis d'accord avec lui, il a eu raison. Oui, d'accord, mais enfin, on peut faire une brocante dans le bureau bientôt. Hein. Bientôt. Ah ouais, je confirme. On peut déjà ouvrir un sex shop. Hein. On peut déjà ouvrir un sex shop. Voilà, il y a DJ Daminou qui dit c'est pas parce que vous aimez pas que c'est de la merde. J'ai bonne mine et je l'ai pas lu. Il y a Lily qui dit faut être une fille pour aimer ce livre. Il y a Valentin c'est qui dit moi, je suis en retard de 20 minutes, c'est inadmissible de ma part. Deux coups de pelle pour moi, avec plaisir. Tiens, un et je te mets le deuxième. Voilà, Émilie aussi. Moi, je suis directionneur et franchement, qu'ils se droguent ou pas, je m'en fous complètement. C'est leur vie et leur poumon, même si je trouve ça con et débile. Et Vianney aussi qui dit le mot teuf va être dans le livre des records 2015 car c'est le mot le plus sale et vulgaire de tous les temps. Probablement. Et le grand pâtissier qui dit non, mais sérieux, les One Direction, c'est pire que Justin Bridou, et Mr Bieber aussi qui dit pour une fois qu'on fait un scandale pour une autre star que Justin. C'est vrai qu'il a pris cher récemment, Justin. Il a pris bien cher. Pourtant, c'était un ami. Et pourtant, il était cool. C'est vrai qu'on l'a aimé vraiment. On était les premiers en France à le recevoir, Justin Bieber, quand il était tout petit encore. Il faisait baby. Il était doux. Mais il était doux. Ouais. Il était doux. C'était un doux. Je rappelle qu'on jouait à Guitar Hero avec lui. Hein. Exactement. Baby, et c'est vrai que c'était baby, un doux. C'était baby, un doux. Baby. On fera Je t'emmerde dans quelques minutes. Il y a Lucas et Chris qui vont jouer avec nous. On fera les premiers appels avec Tof, bien entendu. Et puis, on va se faire, le son maintenant de Jennifer Lopez. Je l'ai promis tout à l'heure. Il est 23h29 sur Fun Radio. On s'écoute First Love. On aura Avicii aussi à suivre tout à l'heure. Et puis, appelez-nous, hein. Venez délirer avec nous. On est là jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, c'est Mickaël No Limit. Voilà. Le son de Jennifer Lopez, j'avais pas fini ma. Non mais ça mange. Ah, je termine. Attends, on nous amène une tarte à la pomme là. Ah bah oui. Très bonne, hein. Merci. Délicieuse. Ouais. Voilà, c'est Didi qui nous a renvoyé le truc là. Ah, bah voilà. Ah oui, on est bien. Bah je termine, je vais mettre un jingle et on revient après. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h radio. Ouais, tellement bonne que j'ai foutu deux fois le même jingle. Bah, c'est pas grave après, hein. Principalement, comme ça, on l'a entendu, quoi. Il y a Enzo, Enzo même, qui dit sur le Facebook une dédicace à toute l'équipe. Je suis arrivé en retard, un petit coup de pelle pour moi. Bah, et ben voilà, tu l'as eu. Il y a Miss Bieber aussi, à Apollo, Rechante Baby, s'il te plaît. Et Mickaël prononce bien mon pseudo. Ouais, mais j'ai modifié la Miss Bieber. Bon, allez, Nadia, vas-y. Baby. Bon, ça ira. Il y a Nadia qui dit ok je branche ma radio, on parle de croix, de barbelé, de vélo d'appartement. Oui Nadia, bienvenue à toi. Il y a Benjamin aussi, ma soeur aimerait aller dans l'armée des doux, mais elle a peur, dis-lui Mickaël de ne pas avoir peur. Mais il faut pas avoir peur, la soeur de Benjamin là. Mais confiance. Mais oui, tout va bien. Il y a CC aussi, coucou toute l'équipe, je vous kiffe. Merci CC. Et Andreas aussi, qui dans la musique n'a pas fumé de joint. La drogue, l'alcool, c'est connu depuis des siècles. Oui c'est ça, hein. Il faut pas rêver non plus à mon avis. Ouais, c'est lequel qui est mort dans son vomi après une overdose? Oh, je sais plus, mais c'est tellement... le mec des Doors. Ouais, c'est... Ou Hendrix, non, c'est Hendrix. Ah, c'est Hendrix, ouais, c'est ça, Jimi Hendrix. Bon, allez, on va faire les appels de Toff. Hein. Ah. Eh oui, allons-y, c'est parti. Donc, je rappelle donc que tu vas appeler pour savoir si les gens pratiquent le fou à la maison. Exactement, s'ils ont déjà essayé au moins une fois, s'ils aiment ça. Un grand thème. Et avant ça, il y a d'abord Alexandra qui est avec nous de Paris, là, qui voulait donner son avis par rapport au livre 50 nuances de Grey. Alors, est-ce que tu es là, Alex? Oui, je suis là. Comment ça va? Ça va bien, je reviens du taf il y a à peine une heure, donc c'est cool. D'accord, tu fais quoi dans la vie, Alex? Étudiante, très bien, parfait. Et tu reviens du taf à 23h30? Non, à 22h30 en fait, je travaillais la BU de ma fac. Ah, d'accord. Bon, Alex, tu voulais donner ton avis par rapport au bouquin, là? Ouais. Oui, alors, on fait une émission littéraire ce soir. Ouais. Un petit peu de culture dans cette émission. Voilà, c'est ça. Mais c'est... oui, mais je viens défendre ce bouquin. C'est scandaleux de dire que, soi-disant, il est mauvais parce qu'il n'est pas réaliste. Un bouquin, c'est pas fait pour ça. Hein. Attends. Moi, j'ai pas parlé de réalisme. Je te parle de qualité de l'écriture qui est très mauvaise. C'est tout. Et c'est moi qui ai parlé de réalisme. Mais, parce que c'est. Il y a énormément de gens qui l'ont lu, ça n'a rien qui l'ont à voir. Apprécié, qui l'ont compris. Enfin, non, mais ça n'a rien à voir. Comprendre, c'est une chose. En fait, il y a deux choses. Il y a le réalisme et la crédibilité. Et ce bouquin n'est pas crédible. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, il y a plein d'endroits où je me suis dit, ouais, ok, elle s'est arrangée pour que ça marche comme ça, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Voilà. Et dans l'histoire qu'on essaye de me vendre, ça n'aurait pas dû marcher comme ça. Mais oui, c'est ça, c'est de la fiction, on s'en branle. Eh, dans 24 heures avec Jack Bauer, tu crois que dans la vraie vie ça se passe comme ça? En 24 heures, il dort pas. Il crève 4 fois, il revient, il repart. C'est ça la différence entre le fait d'être crédible et de pouvoir y croire. C'est-à-dire que Jack Bauer, dans l'histoire, t'es pris dedans, tu peux y croire. Là, tu lis le bouquin, tu peux pas y croire. Bon, peut-être. Vas-y, Alex, tu dis. La qualité d'écriture, bon, qu'après qu'elle soit simpliste ou compliquée, personnellement, c'est pas du Victor Hugo ni du Voltaire. Mais c'est pas une question d'être simpliste ou compliqué, c'est que c'est mal écrit. J'ai feuilleté ça 3-4 un bout quand même. Si on lit en diagonale, forcément. Attention, tape pas sur Polo parce qu'il va s'énerver encore une fois. Il a déjà été énervé toute la journée, donc. Non, mais ça suffit, tu vois très bien, t'as pas besoin. C'est-à-dire que, alors qu'à moi, la meuf a essayé de nous faire comprendre un truc, c'est-à-dire qu'elle a écrit les 10 premières pages très mal et le reste du bouquin est hyper bien écrit. Enfin, cela dit, c'était un prétexte pour faire les appels de Toff. Hein. On va pas vous faire chier avec des bouquins parce que moi-même, ça m'emmerde. Donc, on va effectivement pas y faire, pas en faire la nuit, hein, ça c'est sûr. Bon, il y a des bons qui sont vachement mieux écrits, genre Playboy, quoi. Non, mais bon, c'est intéressant. À partir du moment où un bouquin se vend, où beaucoup de gens le lisent, c'est qu'il est bon, en fait. C'est un peu les lecteurs. Non, pas forcément. Alors là, je peux pas te laisser dire ça parce qu'il y a plein de chansons, par exemple, qui se vendent énormément et ça reste de la grosse merde. Hein. Ouais. Ouais, bon, les chansons, on va dire que c'est un cas à part. Hein. Voilà, il y a plein de films qui se font, qui se voient aussi à des millions, par des millions de gens, et ça reste de la merde quand même. Bon, après, c'est une question de goût aussi. Mais... Ouais, sans parler de la qualité, toi, tu t'en es servi pour faire des trucs qui sortis de là ou pas? Des petits coups de fouet. Ah! On peut me refaire la question en français, là, juste. Bien sûr, est-ce que ce livre t'a permis de tenter de nouvelles expériences, notamment à base de. Fouet? Non, pas besoin. Ah, pourquoi tu faisais déjà? Non, mais enfin, non, je me débrouille. Enfin, je sais pas, j'ai pas besoin d'un bouquin pour apprendre des choses. Enfin, d'accord, ok, mais très bien. Eh ben, écoute, découvre les choses par toi-même. Eh ben oui, mais tu fais bien. Ben, écoute, de toute façon, là, on va appeler des gens pour voir si eux, effectivement, ont eu besoin d'un livre ou pratiquent déjà peut-être éventuellement le SM Light. Évidemment, un petit coup de fouet par-ci, un petit coup de fouet par-là. Eh ben, merci beaucoup, Alexandra. Je te fais des gros bisous. Il n'y a pas de soucis. Et tu rappelles quand tu veux, je t'embrasse. À bientôt, Alex. Ciao. Ciao. Salut. Et puis on va faire les appels maintenant grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Mais oui, allons-y. Ah bah, c'est parti, bon, on fait le premier maintenant. Hein. Est-ce que les gens vont même se faire fouetter ou pas? Nous allons poser la question de suite. Allez. Allô, oui? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimiez que votre mari vous mette des petits coups de fouet pendant que vous faites l'amour. Et je vous emmerde. Ah bah non, madame. Ah si, bah si, si. Ah bah non. Ah si, bah, ça a l'air d'être plutôt bien. Ça démarre plutôt pas mal, là. Bah, je pense que nous sommes sur une bonne famille. Ouais, bon, on va rappeler. Allez, c'est parti. 23-38. Bon. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je m'excuse, j'étais avec votre femme, mais on a été coupé. Écoute-moi bien, fils de pute. Oui. Et je vais te niquer ta grand-mère la chauve si tu continues à appeler. Et pourquoi vous me dites ça, monsieur? Si tu dis-moi où t'habites et je débarque et je vais t'enculer ta mère. Depuis quand tu demandes à ma mère si elle aime prendre des coups de fouet et enculer ta mère? Monsieur, un peu de calme, enfin. Dis-moi où t'habites, fils de pute. Moi, je suis à Paris, monsieur. T'es à Paris, très bien. Dis-moi où t'habites à Paris. Alors, je suis 20. Note 20. Rue. Bayard. Alors, ça s'écrit B-A-Y. Bayard, 20 rue Bayard. Je vais te niquer ta mère. Voilà. C'est à Paris, RTL, monsieur. Fils de pute. Pardon? C'est RTL, fils de pute. Bayard, oui. 20 rue Bayard. Oui, c'est ça, monsieur. Bah, va niquer ta mère. Ah, bah, pourquoi vous me dites ça, monsieur? Bon, ce qui est bien, c'est que. C'est quand ils voient RTL, ils disent non, c'est une connerie, ça peut pas être ça. Bah oui, évidemment. Bon, alors, bon, on va le rappeler, hein. Bah oui. Bon, au moins pour s'excuser. Qui est ta grand-mère la chauve. Attends, on va le rappeler, il va être bon là, je pense. Il est à point. Je pense qu'il est à point. Oui, alors. Oui, bonsoir monsieur. Eh, hey, tu vas aller te faire enculer, mon pote, parce que si jamais je débarque, je te flingue ta gueule, moi. Tu peux être sur une radio, tu peux être sur n'importe quoi, on n'emmerde pas les gens. Si t'as des couilles. Si t'as des couilles, tu viens. Et là, tu vas voir le bonhomme en face de toi ce qu'il va te faire. Il va te niquer, toi et ta mère, et puis ta bande de connards. Mais enfin, pourquoi vous dites ça, monsieur? Bon, dis donc, effectivement, on est tombé sur une bonne famille, là. Hein. Ouais. Là, si vous avez des numéros de famille comme ça, là, à partager, n'hésitez pas, oh là comme là d'habitude. Ouh là là. toph@funradio.fr, vous envoyez ça sur le mail de Toff, et puis on fera ça tout à l'heure vers minuit 30. Hein, nouvelle petite giclée d'appel malveillant à caractère pornographique. Toute cette sympathie m'a été droite au cœur. Voilà, les appels malveillants reviennent tout à l'heure. Il y a Vladimir Poutine qui dit « Je vais niquer ta grand-mère, mort de rire, Nadia aussi. J'ai lu le résumé apéritif de 50 nuances de Grey. J'ai déposé, je me suis éloigné. Il y a Tony aussi. Salut l'équipe, pour la première fois depuis 5 mois. Je suis en retard de 10 minutes. Je peux avoir un petit message de bienvenue, du coup, bien sûr. Allez, nique ta mère là-dessus. Voilà. Mister Steven qui dit, c'est bien de parler littérature un peu. Voilà une bonne émission intelligente qui est nos limites. Comme quoi, tu vois, Mister Steven. T'as remarqué, on n'a pas fait trop long non plus. Hein. Non, Enzo, court. Bah ouais. Enzo qui dit, vous êtes des bons, les gars. Franchement, j'écoutais une énergie. Et je t'ai écouté un soir et maintenant, je fais que ça. Ah bah, c'est gentil, Enzo. Bah, fais passer le message à tous les autres également. Hein. Ceux qui sont encore là-bas, bah, tu les préviens, hein, que voilà, il se passe des trucs ici sur Fab Radio et c'est dorénavant d'ailleurs ici que ça se passe. Vous les faites venir, vos potes et les amis et la famille, voilà, hop là, 23h, 2h la semaine, 20h minuit tous les dimanches soirs. Il y a Lucas et Chris qui sont avec nous, la Chris de Dinan. Salut Chris, comment ça va? Salut Mickaël, ça va? T'es en forme? Nickel, moi. Bon bah tant mieux. D'autre côté, on va jouer avec Lucas. Salut Lucas. Salut Mickaël. De Gironde. Ouais. Bon, très bien, vous êtes là parce que vous voulez jouer au... Je t'emmerde. Voilà, on va jouer au je t'emmerde maintenant. Le principe est très simple. Première partie maintenant, deuxième partie après la pub. Vous allez donc appeler des gens au hasard. On ne sait pas chez qui on tombe. On ne sait pas si c'est un garçon, une fille, un jeune, un vieux. On n'en sait rien du tout. Le principe est simple. Vous allez chacun à votre tour les appeler et dans une conversation la plus cohérente possible, placer un maximum de je t'emmerde dans la phrase, au début, au milieu, à la fin, peu importe. Alors, il est interdit de balancer de je t'emmerde les uns derrière les autres. À ce moment-là, ça ne sera pas comptabilisé, d'accord? Ouais. Très bien. Et il faut que ce soit cohérent, tout simplement. Voilà, avant de vous faire accrocher au nez, on va voir combien de je t'emmerde vous arrivez à placer, ok? Ok. Allez, qui veut commencer? Lucas ou Chris? Moi, je m'en fous. Lucas, eh ben très bien. Bon, écoute, on va commencer par Lucas, tiens. Allez, Lucas, c'est parti. Okay. On y va, on appelle dès que t'entends plus la musique en dessous de toi. Ah ben, ça commence bien. Hop là, ça doit être un fax ou un répondeur, je sais pas. On appelle un autre, c'est pas grave. Lucas, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Ok. Allez. Allô. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, je suis revenu de vacances et sur ma maison il y avait écrit je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. sur mes fenêtres aussi, il y avait écrit « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Sur mon cabanon aussi, il y avait écrit « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Oui. Et je sais pas pourquoi, mais sur ma voiture aussi, il y avait écrit « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Et ? Et est-ce que vous savez si quelqu'un m'en voulait à moi ? Mais pourquoi vous appelez ici ? Ben parce que je me suis dit que c'était vous, parce que il y avait une lettre aussi, et je l'ai ouvert et il y avait écrit « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Donc moi je vous ai rien fait. Hein. Mais avec le ce numéro de téléphone ? Ouais, oui. Ah ben mais ça n'a rien à voir, hein, là vous vous trompez de numéro. Mais pourquoi alors sur tous mes murs il y avait écrit « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Ah ben là je sais, monsieur. Et en plus sur la lettre il y avait écrit aussi en gros « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Donc faut pas exagérer des fois. Non, non, mais là vous vous trompez de numéro, ça n'a rien à voir, monsieur. Non, non, mais sur la lettre il y avait écrit « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde », il y avait le numéro en bas. Bah écoutez, appelez les services de police si vous avez des problèmes, mais là vous vous trompez de numéro. Merci beaucoup, monsieur. Oui, non, mais moi il y avait écrit « je t'emmerde ». Oui. Merde. Bah il s'est raccroché au nez lui-même, dis donc. Bon, bah tant pis. Combien ça nous fait alors ? Ça nous fait 22. Pas mal, Lucas, pas mal. Bon, Chris ? Ouais. La barre est haute, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. On y va, Chris, c'est parti, on appelle. Si t'arrives à en placer, bah, idéalement, il y a deux parties, hein, donc ça va, t'as encore un peu de temps, tu peux faire un entraînement là. Ouais, ouais. Allez, dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour madame. Enfin bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai reçu là il y a quelques temps un message avec écrit « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Donc je voulais savoir pourquoi vous m'envoyez à moi alors que moi personnellement je n'ai rien fait. Surtout que de dire « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde » comme ça, je vois pas pourquoi. Oui, il y avait écrit « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde » sur le texto que vous m'avez envoyé. Vous trouvez ça... Excusez-moi, mais vous appelez sur un téléphone fixe, là, monsieur. Vous oui, vous mais bah non, c'était un téléphone mobile, mais j'ai réussi à retrouver la trace de l'envoyeur, et c'était sur vous. Donc, pourquoi vous m'avez envoyé « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde » ? Excusez-moi, mais vous devez vous tromper, et vous avez vu l'heure, on n'appelle pas chez les gens à temps. Oui, bah, je suis désolé, mais moi, j'aime pas qu'on me dise « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». C'est qui ? C'est quoi ces conneries, là ? Ah mais c'est pas des conneries madame, c'est vous m'avez envoyé des stormers, stormers, stormers, stormers sur mon téléphone, je vois pas pourquoi vous me faites ça. Donc pourquoi vous m'avez envoyé stormers, stormers, stormers, stormers, stormers. Allô. Ouais, c'est où le problème là? Bah j'ai eu des stormers, stormers, stormers, stormers sur mon téléphone, donc voilà. Ouais. Bah ouais. Bah oui, j'ai vu l'heure, mais je suis désolé, on m'envoie pas des tutos, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. À ce moment-là, si vous voulez... C'est un téléphone fixe, là. Ouais, mais justement, c'est ce que je dis, j'ai réussi à retrouver l'adresse avec les moyens du bord, quoi. Mais pourquoi maintenant, on m'envoie des je t'emmerde sur mon téléphone, voilà. Ouais, mais ça part pas d'ici, hein. Ouais, bah apparemment, si, parce que... Vous avez raccroché, vous avez pas intérêt de rappeler. Ouais, Hop, il est parti. Alors, ça nous fait combien ? Ça nous fait 35. 35, Lucas, il t'a mis ta race, mais. Ah bah juste après la pub, on met le couvert et puis on va rappeler encore une fois. Donc il va falloir être meilleur, Lucas. Hein. Ouais, ouais. Sauf si tu dis maintenant, bon bah tant pis, j'abandonne. Non, non, t'es fou quoi. T'abandonnes pas, très bien. Eh ben c'est bien, lui reste avec nous Lucas. Chris, tu restes avec nous également, on va récupérer Lilou pour faire la colle dans quelques minutes. Et puis si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez d'où que vous soyez en France, 01 42 48 5000. Et en Belgique, 02 851 4x0. Donc, il y aura le son d'Avicii à suivre, je l'avais promis, on va le mettre. Lay Me Down, c'est un de mes sons préférés pour l'instant. Et puis il y aura également, bien sûr, le karaoké, ce sera dans une heure. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, on est en direct sur Fun Radio, il est 23h51. On est parti pour 2h sans pub là maintenant. Oh, c'est bon. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a Damien qui dit salut Mickaël, il n'y a pas longtemps c'était mon anniversaire, mais j'ai pas eu le droit à la chanson spéciale anniversaire. Tu peux la passer. PS, l'émission est superbe. Ben, merci Damien. Attends, je fais ta petite musique. Voilà, bon anniversaire à toi, dame. Voilà. Allez, encore un petit coup. Voilà, et jusqu'au bout, bien entendu, ça tombe sous le sens. Bah bravo à toi et bon anniversaire à toi, Damien également. Il y en a Dire qui dit, ça fait 2 mois que je vous écoute, j'ai pas eu mon message de bienvenue non plus. Va te faire enculer, gros con. Voilà. Il y a aussi Colin qui dit, le jeu du je t'emmerde est trop débarre. Eh ben on va le refaire dans quelques minutes, mais avant cela, on va récupérer Lilou qui va nous reposer la petite colle pour repartir avec la Nintendo 3DS XL. T'es toujours là, Lilou? Oui, oui. Très bien, vas-y, répète la colle. Alors, personne ne me veut. Mais quand on me tient, on ne veut pas me perdre. Non, je vais répéter. Alors, personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Ouais, qui perdre. Suis-je? Si vous avez la réponse, envoyez Mickaël. Suivi de votre réponse, vous envoyez ça au 64 900 par SMS, au 6322 depuis la Belgique. Il y a Sébastien sur Facebook qui dit qu'il a trouvé. C'est l'amour. Non. Bon bah c'est pas ça. Je rappelle que sur Facebook vous pouvez jouer aussi. Hein. Il suffit d'envoyer, il suffit d'aller sur le Facebook. Vous nous rejoignez, hein, vous faites un petit like sur la page, tapez Mickaël officiel sur Facebook. Et puis là je vous ai mis la photo de la Nintendo 3DS XL qu'on vous offre. Et puis bah si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort dans une petite demi-heure là, et ben vous repartirez avec cette Nintendo 3DS XL. Il y a Dany qui proposait mon zizi. Non. Ah c'est pas ça non plus. Bon, donc si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il donne la bonne réponse à l'antenne, il gagne. Et à ce moment-là, Lilou perd. Si jamais la personne qu'on appelle ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, c'est Lilou qui gagne la Nintendo 3DS XL. Lilou, tu restes avec nous ? Oui, oui, je reste avec vous. Bah, très bien, hein, tant que la bouteille est là, tout va bien. Il y a Anthony qu'on va prendre dans quelques minutes également. Et puis on va se faire le je t'emmerde avec Lucas et Chris. La suite du je t'emmerde. Toujours là, Lucas et Chris ? Ouais. Alors Lucas qui nous a fait 22 je t'emmerde et Chris qui nous en avait fait je sais plus 35. Attends parce que je pose la question à Tof mais il s'en branle. 32. Pardon, ah pardon, oui 22 et 35, j'étais en train de lire un message. 22 et 35, très bien. Bon alors attention, score à battre 35. Chris, bah écoute, on va remettre ton titre en jeu immédiatement. On va appeler, tu vas essayer de faire mieux, mais bon, même si tu fais pas mieux, c'est pas très grave. D'accord? Ouais, ok. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Dès qu'on a quelqu'un, tu dois placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation cohérente. Attention, sans utiliser le même scénario, c'est important, vous avez compris Lucas et Chris? Okay. Ouais, j'ai compris. Ouais. On n'utilise pas le même scénario. Alors attention, c'est parti, on y va. Vas-y Chris, dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, tu dis allô. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. J'ai reçu une lettre de vous où il y avait marqué je t'emmerde. Le même scénario. Comment? Vous m'avez envoyé une lettre avec je t'emmerde. C'était Lucas qui l'a fait. Non, ça m'étonne. Lucas, c'est pareil. Bah, si, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres avec je l'ai ouverte et il y avait je t'emmerde. Recto verso. Ouais, recto verso, il y avait des je t'emmerde. Ah bon, et vous êtes d'où? Bah, moi, je suis de Reims. Vous êtes de Reims? Ouais. Ah bon. Et j'ai reçu des je t'emmerde. Donc vous connaissez peut-être quelqu'un à Reims qui vous en voulait. Alors qu'en fait il a dit non. Donc vous seriez prié de plus m'envoyer d'être avec des je t'emmerde. Mais déjà je n'envoie pas d'être aux gens avec une connerie pareille. C'est pourtant votre enfin il y avait votre numéro en guide d'expéditeur, donc il y avait moi, mon je numéro en guide d'expéditeur. Oui, donc du coup voilà, quoi. Donc il y avait des je t'emmerde. Il y avait ça, je t'emmerde. Donc si vous devez emmerder quelqu'un, ben vous m'emmerdez pas moi, et vous emmerdez qui vous voulez, mais pas moi. Moi je vous ai rappelé, donc je t'emmerde, c'est bon. Attendez, vous savez quelle heure il est là actuellement? Il est minuit du soir, j'ai une gamine qui... Ah oui, parce qu'il peut être minuit du matin également. D'envoyer des merdes pareilles à des gens, déjà une. Après, est-ce que vous n'êtes pas trompé? Eh ben, numéro, faut pas m'envoyer des stormières. Et non, je me suis pas trompé. Il a de la chatte, lui, hein. Ouais. J'ai bien revu à deux fois avant de bien laisser son téléphone. D'accord, donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va aller plus vite. Je vais téléphoner à un collègue tout de suite, puis je vais tout de suite repérer votre numéro. Ah, allez, et puis on va voir si c'est vraiment vrai. D'accord? Bah, il n'y a pas de souci, donc arrêtez de m'envoyer des stormières. Ah, mais moi, je vous envoie pas des trucs comme ça. Par contre, si vous téléphonez encore une fois, faites attention à vous. Oui, d'accord, mais moi aussi, stormières. Et ben voilà, c'est terminé. Hop là, alors Chris, combien? C'est pas mal, combien? C'est pas mal, 40. 40, oh là là. Bon, Lucas. Ouais. Tu peux encore abandonner si tu veux, hein, ou tu vas quand même... Non, tu... non, c'est bon, je vais essayer. Moi. C'est bon, là, il est chaud, il est bon, chaud. Bon, tu vas essayer. Écoute, c'est bien d'essayer, cela dit, hein, je suis fier de toi, c'est pas mal. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle 40 scores à battre. Il faut même faire 41 dans l'idée, hein, parce qu'ils sont 41. Allez, il faut faire 41. Vas-y, bonne chance, Lucas. Merci. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, j'ai reçu une lettre disant « je t'emmerde ». Donc il y avait votre numéro dessus. Et les je t'emmerde, ils étaient en gros. Donc je sais pas si vous êtes trompé, mais il y avait écrit je t'emmerde. Du coup, Oui, bah c'est une erreur. Au revoir. Et pourtant, il y a écrit votre numéro, je t'emmerde. Ouais, oui, mais là il est parti là, Roger. Ouais, hein, il est parti. Ouais. Bon, alors bah, on ira pas loin avec bon, ça. Bon bah du coup, alors Chris en avait fait 40 et alors Lucas en a fait bah presque autant, 12. Ah, 12, pas mal. Eh ben bravo Chris. Merci. Eh ben c'est gagné. Bon, comment t'expliquer Lucas? Tu n'as pas été mauvais, tu as été très mauvais. Tu as été archi mauvais. Très mauvais. Ah là. Bon, tu retentes ta chance quand tu veux, cela dit au passage. Non, il a été bon comme mais oui, je plaisantais. Bon, tu retentes ta chance quand tu veux. Et puis, bah du coup, Chris, toi, tu vas rester au standard. On va te filer, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer des cadeaux, d'accord? Ok, ça marche. Salut à vous, merci d'avoir participé, à bientôt. Une dédicace? Allez, bah vas-y Lucas, t'organises ça au moins. Je fais une dédicace à Jérôme et Dimitri qui sont en train de m'écouter. D'accord, ok, bah les messages sont passés, y a pas de soucis. Salut à vous deux, à bientôt. Salut. Ciao, à bientôt, bye bye. Bon, ben voilà, retour du je t'emmerde, ce sera la semaine prochaine évidemment. On fera dans une petite heure maintenant, eh bien, le karaopé. Là ouais. Aussi, si vous voulez participer, vous pouvez nous appeler maintenant. On cherche deux garçons, deux filles pour jouer avec nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Depuis la Belgique, parlons des teubés de la télé. Est-ce que vous savez ce qu'est la Joconde? Oui. Eh bien, voilà la définition de Benoît de Secret Story. Donc, alors écoutez bien. Alors. Ça y est, on est bien. Déjà, la Joconde, Benoît, c'est quoi? C'est une connasse avec un voile. Mais si, elle vous est du lourd. C'est un tableau grand comme ça que tout le monde prend en photo. Bon, Benoît, on c'est une bonne description de la Joconde. Oui, très très belle description en effet. Ouais. Quel bouffon alors. Bon, il y a Mamadou Sakho qui fréquente trop Ribéry, hein. Du coup, bah, il invente des mots et c'est mauvais pour lui. Hein. Mamadou Sakho sera le capitaine ce soir. Il était hier en conférence de presse à Clairefontaine et il a littéralement inventé un mot. Je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Oui, reprouvement. Et oui. Mais qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'il fallait reprouver. Oui, ah, qu'il fallait reprouver. Ah oui, ah, d'accord, ok. En fait, qu'il fallait chaque fois. Une éternelle preuve. Oui, il fallait continuer à prouver qu'on était bon, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un reprouvement. Attends, on va le refaire, hein, pour être sûr. Hein. Mamadou Sakho sera le capitaine ce soir. Il était hier en conférence de presse à Clermont. Je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Oui, c'est un éternel reprouvement. Je pense qu'il y a un moment, il vaut peut-être mieux traîner un peu plus avec Benzema qu'avec Ribéry. C'est ça. Je sais pas, après, je connais pas forcément Benzema non plus. Mais bon. Non, si, il a l'air plus clair dans ce cas. Il a l'air de parler un petit peu mieux, cela dit. Bon, et qui a dit que les femmes ne parlaient pas mal de leur mec? La preuve était dans Tout le monde veut prendre sa place. Julie est célibataire au 100, au 3, 4, aussi surprenant que cela puisse paraître. Vous cherchez quel genre de d'abord, mâle ou femelle? Alors, je cherche pas vraiment. Ah, vous cherchez pas? Non, voilà, j'ai un gros casse-croûte à la maison. Et elle a un gros casse-croûte à la maison. Eh ben nous voilà rassurés pour elle surtout. Hein. C'est bon, putain, le mec quand il a vu ça, il a dû être content. Ah, il a dû être très content. Tiens, il y a Kevin qui dit t'es le meilleur présentateur de toutes les radios. Bonjour à ta team. Bah merci Kevin, c'est gentil pour le petit compliment. On n'arrête pas de le dire. Hein. Mais oui, c'est vrai. Mais ça, c'est au moins tu vois de lui, ça vient, ah ouais, ça a l'air vrai quoi. Ouais, Abdou qui dit bordel, il y a des vers dans mon fromage, soi-disant que c'est normal, fromage corse, merde. Bah oui, mais tu vois fromage, oui, c'est normal qu'il y ait ça dedans. Et Alexandre qui dit ça fait 3 semaines que je vous écoute et je veux bien un petit message de bienvenue bien fort. Alors attends, laisse-moi voir ce que je peux te mettre en message de bienvenue bien violent. Ah, le jour devant Dieu, je te donne face à toi, je t'encule toi et toute ta famille. Oui, il était pas mal lui hein. Oui, il était sympa. Ouais, ouais. Il était sympa. Ouais. Bon, on aura Anthony dans quelques minutes là. Salut Anthony. Salut Mickaël. Comment ça? Encore Anthony de Charleroi? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive cette fois? Bah il y a un gros problème. Encore, bah ça faisait longtemps. Bah parce que les dernières fois c'était pas très grave. Ouais. On se doute que tu as un gros problème. Hein. Voilà. Ouais. Bon, qu'est-ce qui va pas, Anthony? De quoi on va parler avec toi? Bah il y a une fille qui n'arrive pas de m'ennuyer, qui est amoureusement, mais moi je n'aime non. pas. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Oui. Bon, on peut l'appeler. Ouais. Elle est comment? Bah elle est jolie. Ah bah vas-y, donne le numéro, je vais m'occuper d'elle. Non, mais attends, mais quel est le problème si elle est jolie? Bah, le problème c'est que j'aime pas cette fille-là. Le pire c'est qu'elle connaît mon ex donc. Mais oui, mais profites-en, ça t'arrivera pas deux fois peut-être hein. Mais j'aime pas et je pourrais tomber sur mon ex, ça va du mal. Bah et alors, si c'est ton ex, c'est ton ex? Ouais, mais elle pourrait être jalouse et tout, elle pourrait casser avec donc. Attends, elle pourrait casser avec qui? Avec ma fille qui est mal. Je comprends, ouais. Bon, alors attends, on va essayer de résumer. Donc là, toi t'es toi. Oui. Bon, Anthony est Anthony, ok? Il est là, il est chez lui, tout va bien. Ouais. Polo est Polo. Voilà, toi fais Toff et moi je suis moi. Mickaël est Mickaël. Voilà. Bon, fut un temps, tu es sorti avec, comment s'appelle ton ex? Madeline. Attends, je note. Bon, fut un temps, tu es sorti avec Charlotte. Voilà, on va l'appeler Charlotte hein, parce que Madeline, je ne connais pas. Donc, tu es sorti avec ton ex, ok? Oui. C'est fini? Oui. Aujourd'hui, c'est terminé. Charlotte, oui. Okay. Bon. Madeline. Voilà. Aujourd'hui, il y a une meuf qui vient te voir et qui est intéressée par toi. Comment elle s'appelle? Oui. Comment elle s'appelle? Sabrina. Sabrina. Alors, c'est de Sabrina, tu précises qu'elle est jolie. Deux secondes, veux bouffer. Oui. Voilà. D'Anthony. Mais que toi, tu n'en veux pas parce que tu as peur que ton ex tombe sur votre histoire. Oui. Et que du coup, ça casse quoi? Alors attends, je fais... Mais le problème, c'est que je suis gay et t'es gay? Je comprends pas ça. Oui. Ah bah il fallait commencer par là. Oui, mais comment ça se fait que ton ex elle s'appelle Charlotte alors? Ben j'aime bien les deux quoi. Ah mais t'aimes bien les deux? Mais alors t'es pas gay? Bon t'es pas gay, t'es bi alors? Ou ouais, hétéro curieux? Mais à un moment tu peux pas tout être en même temps quoi, tu vois? Bon, mais c'est-à-dire qu'en fait je suis black. Ah bon? Bah alors je comprends pas. Non, enfin je suis blanc aussi mais en été quand je suis beurre aussi, tu vois, c'est voilà. Non mais attends, Anthony, il faut être sérieux là, on comprend pas là. Ben, le problème c'est que je suis un peu plus pour les garçons mais pas pour les filles. Tu es un peu plus pour... Donc t'es gay. Voilà. Donc t'es bi ou t'es gay? Gay. Et donc t'as cassé avec Charlotte qui en réalité s'appelle Madeleine parce que t'es gay. Voilà. Mais qui en réalité s'appelait Robert. Voilà. Voilà. T'es pas bi? Non. T'es gay? Oui. Mais il y a deux secondes, t'as dit que t'aimais bien les deux. Ouais mais bon... Bon, écoute, mais non, il faut rien. Qu'il soit clair. Hein. Bon, écoute, réfléchis à ton histoire. On va en reparler après Avicii et les Me Down. C'est ce qui me paraît le plus intéressant à faire. Tu restes avec nous. Si vous avez déjà été harcelé justement par des meufs et par des mecs, appelez-nous qu'on en parle. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On devrait normalement, j'espère, avoir l'ex au téléphone dans quelques minutes. Eh ben le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio, la grosse tuerie du moment, c'était Lay Me Down. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y en a du message qui passe là sur le Twitter, sur le Facebook et même sur le standard. N'hésitez pas à nous appeler encore 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Sur Twitter aussi, et ben vous tapez le hashtag Mickaël dans tous vos messages et puis ça arrive directement dans le studio hein, tout simplement. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez me faire un petit follow si vous voulez sur le Twitter. Et si vous me suivez, je vous suivrai bien évidemment à mon tour et avec plaisir. Tapez MIKL_, c'est le petit tiret en bas. MIKL_. encore officiel. On fera le top tweetos également où on récompensera l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, celui qui aura le plus tweeté avec le hashtag Mickaël justement. Et donc si on faisait un petit topo là maintenant tout de suite, qui serait numéro 5? Alors le numéro 5 ce serait le grand pâtissier. Le numéro 4, ah, c'est un concurrent ça apparemment, ouais. À Titi notre pâtissier là, le pâtissier officiel d'émission alors. Bah faut qu'il passe dans vos studios, vous ramenez des gâteaux. Bah et voilà, on va dire, c'est ouais. Ça, pour qu'on compare. En numéro 4, Fred S34. En numéro 3, Nadia Le Prince. En numéro 2, Vladimir Poutine. Ah y, ouais. Et oui. Et il perd un peu des plumes. D'habitude, il est quand même premier en tant que bon dictateur. Et c'est normal, c'est normal. Hein. Même s'il faisait moins de tweets, il devrait être premier. C'est vrai. Et Virginie66. Virginie66, très bien. Bon, bah si vous voulez jouer aussi les autres, ah, bah, n'hésitez pas, hein, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël tout à l'heure à 2h du mat, à la fin de l'émission. On verra bien comment ça se passe. Il y a Jeanne Françoise qui dit super soirée. En plus d'être plus vieille, j'ai dû prendre 3 kilos. Et joyeux anniversaire, Jeanne. Et ben, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à elle-même, c'est bien. Bah, bon anniversaire, Jeanne. Nadia également qui dit je vous ai pas écouté depuis Noël, je vais me faire incendier. Quelles sanctions allez-vous m'infliger, maître Mickaël? Eh bien, Nadia, si tu pouvais te mettre à quatre pattes. On va t'éclater, Lyon. Voilà, tu te mets à quatre pattes, tu dénues une fesse et. Voilà. J'ai pas été très méchant, mais depuis Noël, il faut quand même pas déconner. Et c'est pas Nadia Le Prince, c'est pas autre, Nadia Le Prince, voilà. C'est l'autre Nadia, ouais. Donc, il faut quand même pas déconner. Je veux bien que certains soirs, il y ait un truc à la télé, il y a un ciné, on va dormir parce qu'on a cours ou on travaille le lendemain. Je veux bien qu'on parte en vacances, mais 5 mois. 6 même, on est en juin là presque. Ah oui, c'est honteux. 6 mois, on peut quand même pas déconner. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? C'est vrai. Mais ben merci. Mais je pense que nous allons faire un putain de débat grâce à ça. C'est vrai, hein? Ah bah là, c'est le débat a clairement avancé. Hein. C'est vrai, Anthony? Bah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. T'es d'accord? Bah oui. Bah oui. Tiens, t'es né quel jour, toi, Anthony? Le 1er décembre. Attends. Alors, 1er décembre et quelle année? 93. 1er décembre 93. 93. Alors. Parce qu'on est tombé sur un site drôle. Est-ce que tu connais la chanson qui était numéro 1 le jour de ta naissance? Non. Au top 50. On la toffe ou pas là? Ah oh, ça va, c'était bien. Attends. C'était quoi? Attends. Hop là. Attends. Tu l'as ou pas? Bah attends, parce qu'il faut que ça charge. Hein, parce que ah bah très bien. Il y a la pub, c'est tard. Ah, il y a la pub. Alors du coup, on a fait celui de Polo, celui de Toff, celui de Sandro, le mien. Donc dites-nous de balancer vos dates de naissance là, qu'on puisse voir quelle était la chanson qui était numéro 1 quand vous êtes né. Vous mettez votre date de naissance complète, le jour, le mois et l'année. Et vous envoyez ça sur le hashtag Mickaël, sur le Twitter. Et puis je vais vous mettre un post également sur le Facebook de l'émission dans quelques secondes. Alors attention, Anthony, toi en 1993, 96, c'était quelle date exactement? 93. C'est quoi là? Le 1er décembre 1993. Oh Queen, j'adore. Ah, il est bon Anthony, hein? Ouais non, il est tombé sur un bon jour lui, hein. Living on my heart. Ouais. Living on my own. Voilà, et ça c'est bon ça. Et alors pour Polo, non mais c'est bon, c'est rigolo, j'aime bien. Attends, fais pas le malin parce que quand tu vas voir ce qui. C'est quoi? Quand tu vas voir la chanson de Polo. Je pense que tu vas préférer Queen, mec. Alors attention, écoutez bien, Queen, j'ai rien dit, écoutez bien la chanson de Polo contre le reste du monde. Numéro 1, le jour de sa naissance. Numéro 1, le jour où il est né, Polo, là, paf. C'est Bugs Bunny. Non, c'est Titi et Sylvestre. À la neige. Musique. Bah oui, ouais. À l'époque, c'est... Oh, on est bon ou pas là? C'est pas de la musique ça. Bah, c'était peut-être un... C'était numéro 1 des ventes le jour de ta naissance. Ouais, c'était numéro 1 des ventes, c'est à l'époque. Petit titi, la luge, j'adore ça aussi. Petit titi, oh la honte. C'est parti. Bon alors pour Toff, alors lui c'était c'est Mozart ou Beethoven. Pas sûr non, encore. Je rigole. Pas sûr, attends, on va voir là pour Toff. Donnez, balancez hein. Oh l'autre il se met un slow, genre. J'ai pas choisi. Les corgis. Ah, attends, t'aimes bien Anthony toi ou pas cette chanson là? Non. Connais pas. Ouais, connais pas, t'es pas. Connais pas. Oh, il se met bien lui hein. Ouais, grave. Et alors pour Sandro, Sandro la date de naissance c'est quoi? Février 28, non c'est 28 ça février. 28 février 1982. Deux. Ouh, vieille alors hein. Ah oui. Ouh. Laisse-moi tranquille. plaît. Non, non, mais il n'y a pas de mal. Alors, pour Sandro, donc, ça nous fait quoi? Alors, le 28 février 1982, c'était quoi le numéro 1 au top, au hit parade? À l'époque, évidemment. Hein. Alors, ça y est ou pas là? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon? Yeah, la putain, classe. J'aurais trop kiffé la classe Culture Club. Bah, ça va. Oh, c'est donc, mieux que Polo. Hein. Ah, c'est mieux que Polo, c'est vrai. Avec, comment il s'appelle? Boy George. Boy George. Ouais. Ouais. Ah, il faut voir le clip. Hein. Tapez si vous avez l'occasion sur YouTube Culture Club avec Do You Really Want to Hurt Me. Bah, vous mettez Do You, ça passera tout seul le reste. Ah, il a une dégaine. Ah, il a une dégaine, mec. Waouh, wow, on dirait la cage aux folles. Le clip, c'est improbable. Hein. Ah, ouais, ouais, mais même plus loin là. Et ça fait partie de la culture musicale. Hein. Ah, oui, les années 80 morts, évidemment. Écoutez. Voilà. Bon, et alors pour moi, il faut que ce soit un truc bien pour moi. Ouais, mais. Quoi, attends, dans les années 80, il y avait des trucs bien. Ouais, mais pas le jour de ta naissance. Mais t'es sérieux? Ah, bachouille. Oh non, putain, Alain Bachouille. Mais pourquoi je suis Alain Bachouille? Mais tu t'es trompé dans la date de naissance. Mais ta gueule. Non, tu t'es trompé dans la date attends, de naissance. Je la refais. Vertige de l'amour, Alain Bachung. Non. Alors. Ils ont tous des chansons qui bien. Il a un slow là, l'enculé là. Attends, coupe-moi ça là. Non, je suis sûr que c'est une erreur. Alors, 19. Je suis sûr que c'est une erreur. Moi, je dois avoir un truc comme ça, moi. Avril. Voilà, ça, à mon avis, ça doit être bon, ça. Bon, c'est pas mon année, c'est vrai. Mais je pense qu'il est en train de trafiquer un truc. Ouais, il doit trafiquer de la merde. Ce sale con, là. Il doit trafiquer, là. Je suis trafique. Allez, je peux te mettre le numéro 1 en Angleterre. Ah, c'est pas ça. Ça c'est. Ah, et c'est le numéro 1 en France. Donc toi, tu t'es mis un numéro 1 en Angleterre. Non, j'ai mis le numéro 1 en France. D'accord. Lui, s'est mis aux États-Unis, tu sais. New York City. J'ai mis le numéro 1. Motherfucker. J'ai mis le numéro 1 en France pour tout le monde, mais comme Mickaël insiste. C'est parce que le mec qui présente au début. C'est encore une pub, là, Taf. Non, non, non, c'est parce qu'il y a le mec qui présente le groupe, voilà. N'hésite pas à mettre deux. C'est ça. Numéro 1, le 19 avril 1980. Si je te vois bien sur ta planche de surf là, Mike. Bon, oui, je préfère qu'il y a la Vachouille. Non, je suis bien en fait, ça fait très 60s. Ah ouais, c'est bien. Marty McFly, hop, le retour vers le futur. C'est les Bucks Fizz avec les Song for Europe. C'est ouais, bizarre, bah, je préfère parce que... encore. À cette date-là, il y avait d'autres choses, je pense. Mais bah ouais, mais bon, ce jour-là, après, hein, tu vois, c'est ce jour-là, quoi. Faut voir. Bon, il y a Mizu aussi, qui est lui, qui est né le 28 décembre 1999. Oh putain, lui, ça va être, à mon avis, ça va être un truc style FL65. Un blow, d'un bandit, d'un badin. Ouais, ça dit quoi, 28 décembre 28 décembre 99. Alors attends. Et on a tous les autres aussi, hein. Il y a Fred S34, il y a Lily également qui a balancé ça. Il y a Corentin aussi qui voulait sa date de, qui a balancé sa date de naissance pour connaître la chanson top 50 le jour de sa date de naissance. Non, ça va, lui, il a une bonne. Alors, c'est chanson. Quoi en 99, le 28 décembre, pour Mizu, là, c'est quoi la chanson qui était numéro 1 au top? Alors, hop, alors, c'était, attention. Non, c'était vraiment bien. Ah, c'était vraiment bien? Non, c'était bien, c'était bien. C'était bon, ah, non, c'était attends, vraiment bien pas. Ou c'était bien? Mais non, c'était bien, c'était bien. C'était bien, bien, bien. Bon, ouais, c'était allez, bien. Hop, c'est parti. C'est bien, mais faut attendre un peu. Ah, il faut ou quoi, il y a la pub encore? Ouais, il y a 15 ah, secondes. Ah putain, ils sont relous avec leur pub sur internet là, c'est d'une galère. Bon, pour l'instant, t'as une des meilleures, Anthony, hein. Oui, pour l'instant, vrai. En tout cas, hein, pour l'instant. Bon, allez, c'est parti. Donc le 28 décembre 1999 pour Mizu, donc, eh bien, c'était ça le numéro 1. Ah, Britney Spears. Ouais, c'était pas mal. Oh, je préfère Bugs Bunny. Oui. C'est bon, celui-là. Ah ouais, numéro 1, ouais, Mizu, ouais. Ah ouais, mais c'était juste après le Hit Me Baby One More Time, qui est sorti en août, je crois, un truc comme ça, ouais. Elle avait enchaîné à l'époque, la petite Britney. Bon, ben, bah, balancez vos messages avec vos années de naissance. On essaiera, on pourra pas le faire pour tout le monde, mais on vous mettra le site après, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, du coup, alors, Anthony. Oui. Bon, toi, tu nous avais appelé parce que tu te faisais harceler par une fille. On va peut-être pas forcément faire un résumé non plus, hein. D'accord? Non, d'accord. Mais on va quand même prendre l'avis de Mélanie qui est avec nous dans le Jura. Salut, Mela. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Comment ça va? Bien, et vous? Eh ben, écoute, plutôt pas mal, Mélanie. Plutôt pas mal. Alors, Mélanie, tu voulais donner ton avis par rapport à Anthony ou simplement nous raconter une histoire où tu t'es fait peut-être harceler par un mec ou par une meuf? Alors, je me fais harceler en ce moment. Ouais. Et en plus, je suis en colère après vous. Bah, après nous, qu'est-ce qu'on a fait encore? Bah, qu'est-ce que vous avez pas fait surtout? Qu'est-ce qu'on a pas fait? Hier soir, vous m'avez laissé poireauter et tout, alors que j'attendais éventuellement un petit pack fun. Mais oui, hier soir, avec le petit militaire qui montait à sa meuf. Oui. C'était déjà moi. Attends, je jouais dans une faille spatio-temporelle, mais ça me rappelle rien. Si, le militaire, on se souvient pas. Mon mec, il joue au PMU. Non, ça te rappelle rien? Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, tout à fait. Et on t'a pas voulu donner tes mensurations, c'est pour ça que t'as pas eu de pack. Non, ah, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, mais attends, non, attends, c'est pas vrai. Non, mais attends, attends, on t'a fait attendre au standard? Non, non, il y avait la musique qui continuait, j'ai même pas revu le standard. Bon. Ça c'est la faute de Sandro, ça. Attends, mais je lui mets une patate. Oui, attends, mais tu rigoles ou quoi? Voilà, un coup de pelle. Mais non, je lui mets un peu de spray dans sa gueule. Hop. Et toi, viens lui péter dessus. Donc, on va prendre tes coordonnées, Mélanie, pour t'envoyer ton pack. On va te renvoyer chez Sandro après. Hors antenne. Bah, on t'a pas repris, Mélanie. Comment? On t'a pas repris hors antenne? Non. Ah, on t'a oublié alors. Eh ben voilà. T'as raccroché toute seule à un moment, c'est ça? Bah ouais, au bout d'un moment. Bah après 4 heures, si tu veux, c'est à 5 heures du mat, elle est encore là, elle se dit bon, bah. Non, mais c'est plus ça personne peut me reprendre. Non, mais ça peut arriver des fois qu'on oublie quelqu'un parce qu'on est en ligne au téléphone et on zappe, ça peut arriver, voilà, je suis désolée. Mais Toff. Voilà, Toff te pète dessus quand même. Voilà, c'est gratos. Oui, c'est mérité. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est gentil avec lui, bah là, aujourd'hui, il est méchant. Et ben voilà. Bon, Mélanie. Ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a avec ton harcèlement là? En fait, j'ai ma meilleure amie qui a plus ou moins quitté son mec au Canada. Ouais. Ils sont revenus. Ils se voient toujours de temps en temps, mais lui, dès qu'il sait que je vais la voir, il m'appelle, savoir qu'est-ce qu'on s'est dit, si c'est vrai qu'elle était avec moi, si c'est vrai qu'elle m'a envoyé des messages pour moi qu'elle était avec lui. Voilà, quoi. Mais alors, et du coup, en quoi c'est... Quel est le problème avec le harcèlement? Je sais pas, au bout d'un moment, quand tous les jours on t'appelle pour savoir si tu l'as bien eu au téléphone, si elle t'a bien envoyé des messages. Ah ouais, non, ça, ouais, d'accord. Mais tu lui as dit que ça va être saoulé, maman? Ah, mais je vais vous le dire, hein, dans toutes les langues, hein, ça change rien. Hein. Je l'aurais dit, là, j'ai même essayé de lui présenter une fille et tout. Mais il s'en fout, il veut elle, pas une autre. Ah ouais? Bah écoute, coupe les ponts, change de numéro, je sais pas. Mais non, j'ai pas envie d'en arriver là quand même. Mais non, mais d'accord, mais si ça comprend pas, ça comprend pas. Il y a un moment, faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu... ça m'est déjà arrivé aussi, tomber sur des meufs ou des mecs qui comprenaient pas, qui voulaient pas comprendre. Il y a un moment, soit ils comprennent, enfin, tu leur expliques, ils comprennent, et puis après, tu passes à autre chose. Soit ils veulent pas comprendre, et puis après, tant pis, tu passes à autre chose, tu zappes, et puis tu fais autre chose. Parce que sinon, t'arriveras pas. N'est-ce pas, Anthony? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai. Ouais. Merci, Anthony. Mais c'est ça qui est bien avec Anthony, c'est que le débat avance toujours. Le débat est toujours au taquet avec Anthony et ça fait plaisir justement. Il n'est pas contrariant. Non, il n'est pas contrariant du tout et ça c'est très bien. Non, ouais. Mais voilà, écoute, après Mélanie, je sais pas, mais je pense qu'à un moment faut que tu tournes la page toi-même, hein, faut que tu zappes l'affaire. Mais j'ai beau essayer, hein. J'en ai parlé à lui, j'en ai parlé à elle a essayé de lui en parler. Mais non, c'est pas vrai, hein. Je passe limite pour la monteuse de service, hein. Mais après, si tu donnes plus de nouvelles, il y a un moment peut-être qu'il va se lasser. Et puis à un moment, quand il aura rencontré quelqu'un d'autre, il va faire autre chose. J'ai pas besoin de donner des nouvelles, ici où j'habite. Il les connaît, lui, mes mensurations. Oui, en plus, tu vois, lui au moins il les connaît, hein. Il a la chance de les connaître. Bon, attends, on va quand même demander... attends, Anthony, t'es toujours là, hein? Oui, on va peut-être faire une pierre de coups avec toi, Mélanie, on sait jamais, tiens. On a Mamadou au téléphone, notre marabout, là. Bonsoir, Mamadou. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Oui, bonsoir. Oui, je vous l'ai dit, moi, je le connais bien, le petit Anthony, hein. Ah bon, comment ça? Ah bah, on s'est rencontrés dans une soirée, moi, je l'ai vu, hein. Ah bon? Ah oui, il n'est pas du tout bi, hein. Ouh là là là là là, non, pas du tout. Mais hein. Il est gay ou il est hétéro? Ah non, il est gay, hein. Il est bien, bien gay, hein. Ouh là là. Mais alors, comment ça se fait qu'il nous dit qu'il est sorti avec une meuf, son ex, elle s'appelle Charlotte? Oui, pas ça, c'est ce qu'il vous dit, hein, mais moi je connais la vérité, hein, moi je l'ai bien vu avec mon ami Henri Pierre, hein, ouh là là là là, ah, bon il faisait plutôt brochette, hein. Ah, il faisait brochette. Il faisait plutôt brochette que brochet, hein, si bon. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, bon, on a compris. Bon, alors du coup, qu'est-ce que vous avez comme, je sais pas si même pas si vous avez des conseils à donner à Anthony, peut-être? Ah bah non, moi je voulais juste lui dire qu'il faut qu'il s'assume à un moment, qu'il reconnaisse son homosexualité, hein. Bah, il parce que c'est ça le problème avec la fille, c'est qu'il dit pas l'homosexualité, qu'il dirait pas la vérité, hein. Ah, bon, Anthony. Oui. Et c'est ça ton problème, c'est que t'as pas dit à ton ex que t'étais gay? Bah, je lui ai dit, mais elle comprend pas. Bah, c'est pourtant clair, hein, c'est-à-dire que s'il y a un moment... Ah oui, un gay, c'est un gay, hein. Moi je l'ai bien vu, hein. Il arrive à se mettre 25 cm dans les quilles, on les voit plus rien derrière. Et ah, Anthony, oui. Tu le connais, c'est ton ex, Mamadou? Ah non, moi j'ai affaire avec lui, mais je l'ai vu. La dernière fois, il était avec mon ami Henri Pierre, et alors la deuxième fois, il était avec Désiré. Désiré, qu'est-ce qu'il lui a mis dans le fond des fesses? Oh là là là. Mais là, Anthony, là. Tu connais Mamadou, toi? Non, je connais pas. Bah, lui, il te connaît? Ah oui, ça, c'est parce qu'il fait... Oh, Mamadou, ta gueule! laisse-le parler, on n'a pas le temps de on n'a rien d'entendre là. Mais Anthony. Oui, je ne sors jamais. Il veut se moquer à la danse ou à l'école, je ne sors jamais en boîte. Oh, mais tu l'as quand même déjà vu au moins une fois, non? Non. Mais si, attends, cherche mieux là. Mamadou, ça te dit rien? Il fait son timide. Ça te dit rien? Il fait son timide, il se rappelle pas quand Désiré, je l'embrochais comme ça, hop, il lui mettait au fond des fesses, hop, hop. Ça te dit rien du tout? Un marabout? Il a la mémoire sélective, bon. Le petit, hein? Bah peut-être, alors peut-être, je sais pas, ouais. Bon, bah tant pis, bah merci quand même pour les infos supplémentaires, Mamadou. Hein. Oh bah de rien, si moi je peux rendre service, si je peux aider, moi j'ai toujours disponible, ouais, bah, là, vous savez. Bah c'est, ouais, très bien. Parfait. Voilà. Bon, merci, hein, beaucoup, Mamadou. Hein. D'ailleurs, c'est toujours avec plaisir. C'est ça, au revoir, Mamadou. Oh là là, celui-là aussi. Bon, Mélanie. Oui. Bon, écoute, moi, par rapport à Anthony, en tout cas, j'appellerai son ex. En tout cas, j'essaierai, hein, Anthony. Oui. Bah ouais, mais tu veux lui dire quoi, Anthony? Bah, lui faire comprendre que je suis gay, qu'elle me fout de la paix parce qu'elle me sonne tout le temps, elle m'envoie des messages, bébé, ça va et tout ça, et elle comprend pas que je suis quoi, mec. Ah, d'accord, ok, très bien. Mais tu lui as dit, on est d'accord, hein? Oui, je lui dis, je suis gay, elle le sait très bien, mais elle-même. Mais moi, je n'aime pas, alors je joue dans son jeu. Tu es pas bi, tu es gay. Oui, tu n'es pas bi, t'es gay, Anthony, c'est pas grave. Mais pourquoi tu l'assumes pas? Mais je m'assume que je suis gay, y a pas de problème, ça, je m'assume. Bah non, parce que tout à l'heure, quand on t'a posé la question, t'as dit, oui, bon, enfin, j'aime bien les filles aussi, donc t'es bi, oui. Mais donc t'es gay? Oui. Et demain, c'est plus. Anthony, demain, tu seras quoi? Hétéro-curieux. Voilà, il sera hétéro-curieux. Anthony! Oui. Tu seras quoi demain? Puisqu'hier t'étais hétéro. Aujourd'hui non, t'es gay et demain tu seras quoi? Bi? Gay. Ah, demain il sera gay aussi. Mais bon, en fait, très est-ce bien. Que t'as un planning? Ouais. Dans ton calendrier là, sur le téléphone, il y a marqué quoi? Il a des culs quand il est gay. Ouais. Il a des bites. Bon, Anthony, on va appeler ton ex dans quelques minutes. Mélanie, là, on va te repasser Sandro au standard, on va prendre tes coordonnées et t'envoyer ton pack, d'accord? C'est gentil. Bon, je te fais des bisous, Mélanie. Aussi, bisous. Salut, ouais. Je t'embrasse, à bientôt, Mélanie. On aura Corentin, Manon et Amine aussi dans quelques minutes. Les appels de Toff dans quelques instants. Et puis, on aura aussi la réponse à la colle de Lilou. L'appel à l'ex d'Anthony, ce sera juste après le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre Deoro, tiens, c'est vrai que je l'avais promis en plus tout à l'heure, là. Hop là, c'est parti. On se met Deoro maintenant sur Fun Radio avec 5 Hours. Et puis on écoutera aussi tout à l'heure le son. Il y aura Madame Pavoshko, tiens, qu'on écoutera pour faire plaisir à Polo, tiens. Ça passera tout à l'heure sur Fun Radio, là. Restez bien là. Et Ariana Grande aussi, ça arrive avant 2h. Ce sera Problème sur Fun. Bonne nuit tout le monde. C'était le son de Dio sur Fun Radio 5 Hours. 23h, 2h. Test. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et il est minuit 30 sur Fun Radio. On est toujours en direct avec tous vos messages qui arrivent. On va se faire les appels de Toff dans quelques minutes. On va appeler l'ex d'Anthony là également. Et puis nous allons prendre Lilou qui est avec nous pour la colle. Lilou, est-ce que tu es là? Oh putain, hey, Lilou, t'as quel âge? Lilou? Oui. T'as quel âge? 41. Hey, c'est quoi ta date de naissance? C'est quoi le morceau qui cartonnait en quelle année là, Lilou? Le 9/2/72. 9/2/72. Alors, allez, t'as pas 41 ans? T'en as 42, 43, 42, 72. Non, 41. Ah bah non, parce qu'on est en 2014. Bah on est en 2014. Et sachant que le mois de février est passé. 42 alors. Non mais t'es pas sérieuse? Ah enfin si, oui, bon bah oui, très bien, parfait. Bon alors 42. Alors attention, ça va alors, faire mal. 9 février 102, ça nous fait quoi alors ça va faire très le très morceau mal. Qui cartonnait et donc était numéro 1 lors de la naissance de Lilou. Ça va faire très mal. J'ai peur là. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est énorme. Les souvenirs ont bloqué ma porte. Peine, il faut que je sente pour oublier cette fille. C'est qui chante ça? Ringo, un artiste que tout le monde doit avoir. Ah oui, Ringo, ouais, ah, l'ancien mari de Sheila. Ouais, exact. La vie, mais les rues sont pleines de gens qui s'agitent. Et devant les vitrines, les bars, les affiches. Ah ouais, donc quand t'es né, c'était ça qui était numéro 1, Lilou. Tu dois pas t'en souvenir, à mon avis. Hein. Non, déjà, non, t'as oublié ton âge, donc faut pas oublier, pas se demander quoi. Et bon. On peut avoir une autre date de naissance? Non. La naissance de mon mari. Ah bon, quelle année? Enfin, quelle année donne-nous? Le 22 février 86. Non, attends. En quelle année? 86. 76? Non, 8. 6. 66. Voilà. 66. Ouais. Ah, 66 alors. Un 6, ouais. Et un 6. 6 et 6. Non, 8, 6. Oui, c'est une bière, bière, ça c'est la bière. Autre chose. Regarde à côté. 1986. Ah bon, mais il est, c'est ton mari, mari ou c'est un ami? C'est ton fils. Non, c'est mon mari. Hein. Mari. Bon, alors c'est quoi la chanson alors c'est, non, c'est une bien ça. Ah, c'est une bien. Ah oui, en 86, oui, les années 80, c'était bien. Ah oui, Daniel Balavoine. Oh là là. Ouais, ça va, il y a pire. Hein. Mec, je reste sur la chanson de Polo avec Titi et Grandminet là. Moi, ouais, je l'ai plus, je l'ai retiré. Titi et Sylvestre. Non mais. À la neige. À la... Oui, Titi et Sylvestre à la neige. Titi et Grandminet donc. Bon, ça, tout le monde connaît à la limite. En tout cas, tout le monde a déjà au moins entendu. Ben voilà, Lilou, à l'année naissance de ton mari, c'était Daniel Balavoine. Voilà, avant qu'il meure. Bon, Lilou. On appelle maintenant donc pour donner la réponse à la colle, savoir si c'est toi qui vas repartir avec bah, tout simplement. Merde, attendez. Hop là. On va donc tirer au sort quelqu'un maintenant pour la colle. Ok, ça va. Hein, parce que ça discute là au standard là. Ça discute. Il reste encore une tarte. Je peux encore manger une tarte. Je la prends, une tarte à la pomme ou pas? Ah bah voilà. Allez, c'est parti Lilou, on y va, on appelle. Ok, ça va. Si la personne qu'on appelle maintenant donne la bonne réponse, décroche, donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Dans les autres cas, c'est toi qui gagnes. Ok. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Sandra, bonjour. Salut Sandra, tu as quel âge, dans quelle ville? J'ai 30 ans et je suis à Metz. D'accord, sois la bienvenue, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio et Sandra, il y a Lilou qui a une colle à te poser. Ouais, pas de problème. Personne ne veut. Alors, personne ne veut, mais quand on obtient, on ne veut pas me perdre. Bon, enfin, je vais répéter pour être sûr. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Qui suis-je? La guerre. Oh oui. Eh oui. Eh ben voilà, une bonne chose. Eh ben Sandra, Nintendo 3DS XL, elle est dans ta poche. Je suis contente, ça va faire super plaisir à mon fils. Eh ben j'imagine. Eh ben écoute, tu vas la recevoir, on va te renvoyer chez Sandro, prends tes coordonnées, d'accord. On va t'envoyer ça rapidement. D'accord ? Je vais juste faire un gros bisou au pâtissier. Au pâtissier ? Ouais. Au pâtissier. Quoi, Titi qui est avec nous? Oui. Pourquoi, c'est qui? C'est le père de ton enfant? Ah non, du tout. Ah, je sais pas. Non, c'est son plan cul. C'est ton enfant? Même pas, non. Ils lui font la meringue de temps en temps. Voilà, c'est ça. Non, c'est un ami, on parle. Ah d'accord, bah, comme quoi, le monde petit. Eh ben écoute, Sandra, pas de problème, tu vas rester au standard, on va t'envoyer ça rapidos, d'accord? Ça marche. Salut, merci. Gros bisous Sandra, à bientôt. Bisous, et Lilou. Oui. Bon bah c'est perdu hein, comme d'habitude. Hein. C'est pas mais tu connais le chemin. On peut pas avoir un pack fun. Oui, un pack fun, il n'y a pas de problème. Je te renvoie chez Sandro, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça. Ok, merci. Salut à toi Lilou, à bientôt. Merci. Ciao. Allez, bye. Les appels de Toff maintenant, on va continuer. Et on voulait savoir, on posait la question à. C'est pas des auditeurs, hein, puisque c'est les auditeurs qui nous envoient des numéros de gens encore debout à cette heure-ci, très charmants. Allez, nique ta mère à la pute. Voilà. Toujours. Pour savoir s'ils ont déjà pratiqué des petits coups de fouet avec leur copain ou leur copine au lit. Mmh, ouais. Voilà. On est tombé sur quelqu'un de très charmant qui voulait te enculer ta grand-mère la chaude, etc. C'était très charmant. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est ça. Donc on va y retourner. Hein. Enfin, pas chez eux, mais chez un autre. Allez, c'est parti. On y va. On appelle. Allez. Allô. Oui. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimiez que votre mari vous mette des petits coups de fouet quand vous faites l'amour. Ah, très bien. Moi, ça a mérité d'être clair. Hein. Oui. On va la rappeler. Rapide, court. C'est ça, oui. On va rappeler, attends. Oui, allô. Ouais. Oui, bonsoir, monsieur. Non, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Ouais. Bah, t'es enculé, mais c'était mort. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous me dites ça? Allez, attends, on va le rappeler. On est toujours dans l'efficacité avec Ah, attends. Hop, on y retourne. Allô? Oui, je m'excuse, madame, mais j'ai pas bien compris la réponse de votre mari. Nique ta mère, ok? Mais enfin, pourquoi vous dites ça? Parce qu'on s'en bat les couilles, je vais te mettre un coup de fouet, moi, tu vas voir. Mais non, c'est pas pour ça que je vous appelle, madame. Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux savoir si votre femme aime recevoir des petits coups de fouet quand vous lui faites l'amour. Ta mère, elle aime bien que je lui mets les coups de fouet. Je vois pas le rapport, monsieur, vous connaissez pas ma mère. Ouais, bah toi tu connais pas ma femme, alors on va te faire enculer, baisse tes morts. Tu me casses les couilles au téléphone là. Bah juste pour savoir si elle aime ça, monsieur. Et ta mère, elle aime ça? Bah je sais pas, monsieur, faut lui demander. Et bah demande-y à ta mère, tu me rappelleras demain, d'accord? Alors on va te faire enculer, baisse tes morts, et va te faire enculer. Va te faire enculer quoi? Va te faire enculer, baisse tes morts. Ah, baisse tes morts, d'accord. C'est son nouveau nom, en fait il l'appelle baisse tes morts. Attends, on va le rappeler, monsieur. Il est énorme, On va le rappeler. En plus, il a une voix, on dirait Jean-Pierre Sauzère, ouais. Encore une fois. Allez hop, on le rappelle. Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'on t'a plus au téléphone si tu nous écoutes là. Rappelle-nous un petit coup là. Baisse tes morts.

Écoute, une dernière, mais il faut une bombe maintenant. Dessus, là. Et plus gras le, la voix. Un peu plus grasse la voix. Et puis surtout, y a, c'est toi, tu parles en ton nom. Il n'y a pas de comme on m'a dit, là, comme je t'ai dit. Il n'y a personne, nous. Tais-toi. Et alors, il y a toi. En fait, c'est un peu un duel. Tu vois, lui un peu, dis pas tais-toi parce qu'il va pas, il va pas parler. Il y a que toi, un peu comme les westerns. Tu vois, il y a les deux, il y a les deux cowboys. Ouais. Ils ont le flingue, ils ont la main sur le flingue. Là, ouais. Le premier qui sort, poum, il tire. Ok. Ah, Toff est mort. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est un ah bon accident, bête. Bon, ok. Ok. La même chose, mais tu dis, écoute, moi, je suis gay, je ne veux pas de toi. Il faut que tu le comprennes. Alors, baisse tes morts et pff, tu raccroches. Ok. D'accord. Mais tu raccroches mais vraiment. Mais il faut vraiment raccrocher parce qu'on doit entendre le. Tu vois, qu'on entende le raccrochage. Voilà, donc faut que tu il faut quoi. Entendre le téléphone, d'accord. D'accord. Bon, je compte sur toi, hein, tu vas pas nous décevoir. Hein. Non. Bon, allez, c'est parti, on quand y va. Quand t'as dit baisse tes morts, tu appuies sur le bouton rouge de ton téléphone. Voilà, ou t'appelles avec un téléphone portable ou avec un téléphone avec un fil. Portable. Portable, ouais. Va très bien. Bon, bah, tu raccroches quand t'as dit, eh ben baisse tes morts et pff, tu raccroches, d'accord. D'accord. C'est pour qu'on sente, pour qu'elle sente qu'il y a les couilles, tu vois, ouais, je veux dire. Qu'elle sache, c'est toi le patron. Bon, allez, c'est parti. Le parrain. Allez, vas-y. Merde, on n'est pas. Allez, vas-y. Bonjour. Musique, elle est là. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de. Chaque fois, j'espère que quelqu'un va répondre. Mais non. Enregistrez votre message après le signal sonore. Pour terminer, il allez. Suffit de raccrocher. Vas-y, mec. Merci et au revoir. Ouais, c'est Anthony, quand même, que tu me sentis. Moi, je suis gay. Je ne veux pas de toi, je t'aime pas. Donc, oublie mon numéro et voilà, et ben c'est mort. Et il est parti. 23h, 2h. Michael No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Merde, j'avais oublié de raccrocher du coup, j'ai entendu le jingle. T'es niqué là, merde. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Au moins, elle a une petite rupture. Oh là, il y a une rupture là. Ah, il y a une rupture. Là, il y a une rupture. Ah oui, là, on peut rien faire pour elle. Allez, on est au cœur de 2h sans pub sur Fun. C'est Michael No Limit et Pharrell Williams qu'on écoute avec Marilyn Monroe sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. This one goes out to all the lovers. Le son de Pharrell Williams à l'instant sur Fun Radio. Va te reculer, mais c'est mort. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et restez là, puisqu'il y a à suivre Black M et Madame Pavoshko. Et puis je vous cale aussi le son de Ariana Grande avec Problem. Tout ça, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Et si vous avez envie d'écouter les sons en particulier, bah, vous demandez, il n'y a pas de problème. Hein. C'est tous les soirs comme ça, 23h, 2h, du lundi au jeudi. Et le dimanche également, de 20h à minuit, il y a Félix qui dit énorme le Anthony. Bah, j'espère, ah ouais, que, j'espère que ça va l'aider. Benji qui dit la meuf, elle va avoir 6 messages de baisse de tes morts. Il y a Valou qui dit vous êtes des barges, vous faites trop rire. Il y a Benjamin qui dit pété de rire également. Lily aussi. Oh non, mais Anthony vend du rêve, c'est énorme. Merci pour ce gros fou rire. Écoute, avec plaisir. Merci à lui surtout. Sandra B qui dit plié. La meuf, elle va écouter ça demain. J'adorerais voir sa tronche. Surtout comme un con, j'ai oublié d'enlever le jingle à la fin. Ah ouais, c'est, bah, pour moi, elle saura où elle était. C'est vrai. Et Sébastien qui est dans votre équipe, il y en a un qui a un vieux rire de poule. Oui, c'est Polo. C'est Polo quand il y a eu les appels tout à l'heure. Non, non, mais quand t'étais en train de te marrer là avec les appels à Toff. Non, non, c'est sûr. Super d'avoir appelé 10 fois pour rien. Mais c'est pas pour rien. Au contraire, à chaque fois, on a monté d'un level. Ouais. Tommy Or Thomas aussi qui dit j'ai sauvé une personne de la dévastation des autres radios. C'est bien, Tommy. Eh ben ça, voilà, je suis fier de toi là. Lucie qui dit baisse tes morts, c'est une insulte que tous les gitans disent. 69 degrés qui dit ah putain, ils m'ont tué les enfoirés là. C'était dans les appels de Toff tout à l'heure. Et alors, Jacques qui dit j'ai nettoyé des tombes pendant 20 ans pour les clients de mes parents. C'est cool, tu taffes tout seul. Ouais, et puis l'avantage, c'est que les clients sont pas relous. Ouais, c'est ça. Si c'est pas retard, super bien fait, ils se rendent pas compte. Voilà, t'es en retard, c'est pas très très grave. Vladimir Poutine aussi, pourquoi Toff est si moche? Bah parce que. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Hein. Et puis c'était là. Ah oui, on avait les chansons également là. Quelle était votre. Quelle était la chanson qui était numéro 1 au top 50 quand vous êtes né? Il y a Stella qui voulait savoir 30 novembre 1990, ce qui était numéro 1. Alors. Alors. Oh Mécano. Oh mais quelle horreur. C'était un groupe espagnol, je détestais. Une femme avec une femme et la version française. Et il y a aussi La chanson que je détestais le plus, c'était Hijo de la Luna. Hijo de la Luna. Si tu veux être. On fait de la radio, donc on a une grosse culture musicale. Ouais. Vous inquiétez pas, on aime pas ce genre de merde, mais on est obligé. Moi j'adore, ouais. Mais moi je l'aimais bien physiquement surtout. Oui, mais enfin bon. C'est vrai qu'elle était bonne avec sa coupe de cheveux. Une femme avec une femme, hein, tout est dans le titre. Bon, ben voilà, c'était là. Mécano, le jour de ta naissance, 30 novembre 90, c'était ça qui était numéro 1. Fredes 34 qui voulait savoir le 8 avril 1989. Ah, fin des années 80, là, on était à quoi? Ah bon ça, ouais. Madonna. Madhouse également. Voilà, bon, Madonna, bon, oui, ça va, standard, classique, bien quoi. Hein. Ouais, non, c'était... Bah, elle repris plein de fois en dance. Alors, il y a Florian le 19... Ah, 19 avril, Florian, bienvenue. Bon, quelques années plus tard que moi, mais bon, pas beaucoup au final. 97. Un grand moment de musique. Alors, c'est quoi Oh merde, putain, Ricky Martin. Palande Maria, 1, 2, 3. Un pasito para. Ah bah Florian, ah bah putain mec, 19 avril 97, il y avait ça, on est à Paris. Yepa. Alors il y a Manami qui voulait savoir le 1er juin 98, il y avait quoi qui était numéro 1? Ah, du très très lourd. Ah oui, en 98, ouais, j'imagine, ouais, alors attention. Très très lourd. J'ai très peur. Oh putain. Oh là là, les 10 commandements. Ah, non. Ouais. Non. Ah c'était quoi? C'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ouais, c'est ça, ouais. C'est les rois du monde. Les rois du monde, voilà, c'est ça exactement. Et bon, ça m'a saoulé. Ils sont plus, hein. Constance, le 9 octobre 2000, c'était quoi le 9 octobre 2000 qui était numéro 1? Un retour. Ah, le retour de... C'est quoi ça? Je vais laisser l'intro, on va voir si vous retrouvez. Il est déjà passé, hein. C'est une autre chanson, mais il est déjà passé. Ah, c'est un Ricky Martin. Ricky, ouais. Martin. Ah, Ricky Martin. Ah oui, pour le goal, le goal, le goal. Du monde, ouais. La Coupe du Monde, ouais, voilà. La Copa de la Vita. La Copa, exactement, ouais. Et alors, Lily, un petit dernier, là, pour l'instant, on en fera l'autre tout à l'heure. Lily qui dit 7 novembre 87, pour moi, c'était quoi? La Bamba, je crois. Peut-être. Ah. Non, la Lambada. Non. Pas la Bala et la Bamba. Ah ouais, putain, la Bamba, ouais. Ah ouais, et il y avait la Lambada la même année, en 86, la Lambada, je crois, c'est comme ça. Bon, on en fera d'autres, hein. Si vous avez envie de donner vos dates de naissance... Oh, et l'autre, il est parti, hein, aussi, il a mis son chapeau et tout ça, ça y est, c'est fait. Hein. Bon, si vous avez envie qu'on vous donne la chanson qui correspond à votre date de naissance, quelle était la chanson numéro 1 lors de votre naissance? Voilà, vous balancez vos messages maintenant avec le hashtag M-I-K-L. N'hésitez pas, et puis nous, on sera un plaisir évidemment. Alors, on a Manon avec nous maintenant de Lyon. Salut Manon. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va toute l'équipe? Eh ben écoute, l'équipe va plutôt pas mal. Ouais, Manon, on est bien. T'as pas envie c'est qu'on appelle long. Ton ex pour dire que t'es devenu Gwyn, non? Non. Merde. Parce qu'on était lancé là. On était lancé, c'est dommage. Mais non, c'est pas possible. Dommage. Non, non. Et petite parenthèse, Polo, dis-moi. Ton rire, je le kiffe. Franchement, change-le pas, parce que l'autre qui a dit « c'est sa mère la volaille », d'accord, t'as pas un rire cool. C'est sa mère la volaille. C'est magnifique, merci. Il est trop communicatif. Je te l'offre, je te l'enregistrerai. C'est sa mère la volaille. J'aime bien le « c'est sa mère la volaille ». Va te enculer, ben c'est mort. Voilà, comme ça au moins le message est passé, tiens. Eh oui, ben c'est mort, il va bien. Va te enculer, ben c'est mort. Ah bah il est là, ben c'est mort. Va te enculer, ben c'est mort, va te enculer. Bon, on dirait un personnage de Harry Potter. Ouais. Le grand méchant sorcier Best est mort. Bon Manon, qu'est-ce qui t'amène ma belle? Qu'est-ce qui m'amène? Le Dis-moi. Harcèlement. Le harcèlement. Ah oui, c'est vrai qu'on en parlait avec Anthony. C'est vrai qu'on a quasiment limite zappé le dos. Bon alors qu'est-ce qui va pas là? Qui t'harcèle? Eh ben c'est un mec qui s'appelle Toff, il a une tête de con, il me fait peur. Il a deux espèces de billes à la place des yeux, c'est de l'acier. Et il a un gros nez. Non. Bon, alors c'est qui te harcèle? En fait, c'est mon ex. Ah. Oh, le pauvre, il est encore amoureux. Oui, ouais, c'est bon. Mais ouais. Il est temps qu'il arrête. En fait, j'ai 17 ans. Moi, il en a 21, donc il est majeur. Ouais. Ah oui. T'es choqué? Non, c'est Polo qui était choqué. C'est moi. Ah. Je suis choqué pour rien, moi, tu sais. Bah oui. Et donc, ouais, voilà. Et je suis restée donc 2 ans avec ce jeune homme. Et il n'a pas supporté le fait que, bon, il m'a fait plein de coups de crasse et tout. Donc du coup, moi, j'en ai marre au bout d'un moment. Normal. Et j'ai connu son collègue. Un collègue à lui, très gentil. Contrairement à l'opposé de lui, ce que j'aime, on va dire. D'accord. Ah oui, donc tu l'as trompé avec un pote à lui? Non, je ne l'ai pas trompé. Non. C'est lui, il m'a trompé. Moi, je lui ai dit, bon, c'est bon, stop, va te faire foutre. Et il a su que je m'étais mis avec son collègue après. Ah, d'accord. Donc tu l'as viré et après, t'as été avec son pote? Ouais, voilà. D'accord. Sachant qu'il connaissait ma mère, enfin bref. Ouais, et mais bon, mets-toi à sa place. Enfin, tu vois, c'est normal qu'il le vive un peu mal, même si c'est ton ex, c'est toujours un peu emmerdant qu'il aille avec l'ami. Il m'a trompé, tu vois. il m'a trompé avec sa belle-sœur, hein, quand même. Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est bon, quoi, mais c'est pas bon, ça. Il t'a trompé avec sa propre belle-sœur? Ouais. Donc la belle-sœur, ça veut dire que c'est la meuf de son frère? Ouais, exactement. Putain, le mec, il est bon, hein. Quel connard. Et le frère, il est bon. Eh, digne de toi, quand même, l'histoire, hein. Moi j'aimerais bien faire un truc comme ça. Oh, ok, alors, mais t'as pas de frère, heureusement. Non, bah oui, c'est moi, ça. Tu peux te tromper éventuellement avec ton beau-frère. Ouais, mais non, il est trop balèze pour moi. Ouais, dommage. Bon, mais ouais, et du coup il te harcèle, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut te récupérer ou il veut faire quoi? Eh ben, en fait, il supporte pas le fait qu'il soit plus avec moi. Il aime pas, il peut pas, parce que voilà, il y a plein de choses qui font que... En fait, il a tellement rien à me reprocher que voilà, il est au bout, du coup, que je sois avec son collègue, en fait. Et ça fait combien de temps que t'es avec le collègue? Ça fait pas longtemps, ça va faire peut-être 2 mois que je suis avec. Non, moi je pense qu'il faut l'appeler et Ouais, faut lui dire. Il faut lui dire, écoute-moi bien, espèce d'enculé, moi c'est terminé aujourd'hui, il faut qu'on arrête. C'est ta mère la volaille. Exactement. Va te faire enculer, parce que c'est mort, va te faire enculer. Voilà, je pense qu'il faut terminer l'affaire comme ça. Hein. Non mais sérieux, à un moment il faut soit lui faire peur, soit lui expliquer. Et ton mec, là, ton nouveau mec, il peut pas lui dire à un moment là que... On lui mettre une bonne droite et puis on n'en parle plus. Non, pas forcément, mais tu sais qu'il explique les choses. Ouais, bon, Je sais pas, ça marche pas. Il a quand même défoncé la porte d'entrée chez moi. Ah oui, ah oui, il est loin quand même. Je me suis fait virer par la copropriété. Enfin, moi non, mais ma mère, ouais, quoi. Oh, mais putain, mais vous avez pas prévenu les flics? Attends, donc tu te fais virer parce que l'autre mongol, il vient de défoncer la porte? Ouais. Mais enfin, c'est quoi cette blague? Bah, parce qu'en fait, il est venu plus d'une fois foutre le bordel. Parce qu'il sait, en fait, il a vécu pendant un an et demi avec moi. Bah oui, mais il faut appeler les keufs. Non, mais c'est ce que j'ai fait, mais il s'en fout. Là, il est en prison, là, aujourd'hui, mais ça ne lui suffit pas. Ah bah voilà, s'il est en prison, au moins, t'as un peu de sursis, comme ça. Ouais, mais ça ne lui suffit pas. Quand tu vas sortir, Mathis, je vais te faire la misère. Oh là là, et t'as été faire une main courante ou au moins porter plainte à la police? Parce que bon... Ben non. Non mais vas-y, fais-le. Non mais attends, parce que tu sais le truc c'est qu'idéalement, bon même si c'est encore rien passé, mais rien passé, façon de parler. Mais le fait d'aller chez les flics, tu vois, tu déposes une main courante ou tu déposes une plainte contre le gars en lui expliquant tout ce qui s'est passé. Au moins le jour où il fera la moindre connerie avec toi, tu les rappelles les flics et ils vont débarquer directement. Et là ils risquent de prendre cher, tu vois. Parce que si tu laisses pisser le truc, les flics ils peuvent pas le suivre de leur pouce, tu vois qu'il se passe un truc. C'est clair, mais Si tu le laisses pisser, ça va encore faire des dégradations dans l'immeuble. Voilà, en plus, c'est ça. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Non, mais sérieux, va déposer une main courante. Une main courante, ouais, va déposer ça. Hein. Ouais. Bon. Mais c'est soit ça va marcher, soit ça va être pire, en fait. Non, ça sera pas pire, parce que lui sera pas au courant. Quand tu vas poser une main courante chez les flics, lui n'est pas au courant. C'est s'il fait une connerie vis-à-vis de toi que là il prend directement cher, mais il sera pas au courant. Enfin, sauf si j'ai une connerie, hein, si vous êtes flic, appelez-moi pour me le dire. Mais normalement, il sera pas mis au courant. Et au moins, toi t'es tranquille et t'es protégé, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, fais ça, hein, d'accord? Ouais, c'est clair. Et je voulais savoir aussi. Ouais. Le 21 juin, c'est quoi le 21 juin 1997, la musique? Ah, le 21 juin 1997, la musique. Alors, attends, on va vérifier ça directement. 21 là. Juin. 21 juin 87, hein? Ou 97? 97. 97, pardon, ouais. Je t'ai vieilli de 10 ans, là, désolé. C'est pas grave. Ouais. Alors, 21 juin, attends, parce qu'on va regarder, là. Il y a du lourd ou pas? Oh oui, il y a du lourd, là. Il y a du lourd. Alors, il y a du lourd. Attention, on y va? Non, on n'y va pas. Ah, on n'y va pas encore. Très bien. On y va. Attends, parce que ça charge. Hein, ça charge sur Internet. Charge. On n'a pas la connexion la plus rapide du monde, hein, malheureusement. Bon. Non, je crois qu'on en dit à planter. Ah bah super. Manque plus que ça tient. Bon, c'était quoi sinon? Parce que je l'ai. Ah si, non, ça va. Ah, ça y est, très bien. Alors Manon, le jour de ta naissance en numéro 1, number 1 au top, il y avait ça. C'est quoi ça? C'est le début. Jusque là, ça me dit rien. C'est la musique de. Ah non, c'était un truc... Ah, c'était la fin de la pub. Non, c'était un truc qu'il y avait au début de la chanson. Oh merde, putain. Ah vas-y, allez, celui qui trouve ça, il est fort. On fera ça. Non. C'est improbable, c'était un tube de l'été sur TF1. Oh putain, je vois la pochette. Ah oui. Kumba Galo. Non. Non. Oh putain, je le vois encore, sa tête de con, là. Oh putain. Je peux le dire 1000 fois. Bon, c'était une horreur, hein, Marion. Ouais. Manon, pas Marion. Qu'est-ce que j'ai dit, Marion? Ouais. Ah bah attends, je vais m'en mettre une, alors... voilà, je m'en mets... Hop là. Et là, je m'en mets une deuxième, tiens. C'était quoi encore? Non, c'était pas Kumba Galo, effectivement, et c'était l'année d'avant. Ah, je sais plus, vas-y. Non, dis rien, dis rien. Je dis rien. Ah, il y a Félix, il a trouvé sur. Non, il a trouvé. Ouais, Félix, il a trouvé sur Facebook. Je regarde pas le Facebook alors. Putain. C'était horrible, j'ai détesté ce morceau. C'est passé tout l'été sur tes mots, c'était horrible. Ouais. Heureusement, t'as pas vécu ça, toi, Marion. Merde. Manon. Bah, je m'en remets une. Hein. Oui, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc, t'as pas vécu ça, toi, Manon, hein. C'était vraiment nul. Je suis bien contente de t'avoir entendu. Ah, bah, je confirme. Ah, Cécile aussi l'a trouvé sur Facebook. Ouais, bah, vas-y, dis, j'arriverai plus. C'était Wes avec Alané. Ah, ça va, j'ai pas de regrets. Moi, j'étais plus sur un truc Kumba, Golo, machin chouette, là, mais c'était pas ça. Bon, bah, voilà, bah, gros bisous à toi, Manon. Allez, gros bisous, l'équipe, vous êtes top. Merci, Manon. Non, je te fais des bisous. Allez, à bientôt. Ciao. Bon, on aura Coco dans quelques minutes sur Fun Radio avec nous. On a encore des appels de Tof qui vont arriver. Il y a Corentin qui dit va te faire enculer, baisse tes morts, je suis plié. Bah oh, merde. Pardon, tu dis moi, j'ai fait la merde. Va te faire enculer, baisse tes morts, et va te faire enculer. Voilà, il fallait bien préciser le truc. Il y a Sweeman qui dit moi, Mickaël, j'ai ramené tout mon bahut environ 400 élèves. Non, Sweeman, ah, t'es bon toi. Eh, mais t'es sûr qu'ils écoutent tous là? En tout cas, on les embrasse tous. Et puis surtout, donne-nous le nom du bahut là, comme ça ils se reconnaîtront. Et alors, il y a Canvan qui dit le 4 novembre 98, c'était quoi la musique? Alors, attends, on est là vite fait là, alors, avant d'écouter le son de Black M avec Pavoshko. Non, on va d'abord écouter Black M et puis on. Ah non, ouais. c'est bon. Tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai. Bon, alors vas-y. Oh non, encore? Non, Garou. Garou. Alors, c'est bon, j'ai la grand-mère. Attends. J'ai baisé ses mœurs avec une son chien. Ouais, bon, alors, bah, très bien. Alors Cécile, ça vient d'arriver. Cécile, 23 février 79. Alors, 23 février 79. Alors, il y avait quoi pour Cécile le 23 alors, février 79 alors, hop, attention, non, c'est pas mal ça. C'est quoi? Les Bee Gees. Ouais. Et le titre? Loving You. Loving You. Non. Start Loving You. Non. Tragedy. Ouais. Écoute, il va le faire maintenant. Musical, on est bon. Hein. Tragedy. Croyez pas que j'étais déjà né en 79. Non, on a une culture. C'est juste. Alors, je vous explique. Les mecs de radio ont une vraie culture musicale. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment totalement inculturés. Et c'est pour ça que j'ai précisé les vrais. Et donc, non, en fait, je vous explique l'histoire. C'est vrai que je connais énormément, quasiment tous les années 80, pourtant je suis en plein milieu, mais. Oui, en plein milieu. Hein. Oui. Et voilà, c'est juste que je traîne toujours même vers la fin un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je traîne toujours avec mon cousin qui, lui, est beaucoup plus vieux et qui m'a fait découvrir toutes ces chansons-là. Et c'est pour ça que je les connais toutes. Il est pas que je sois vieux, hein. Voilà, que ce soit clair. Bon, allez, comme on est dans la culture, restons dans la culture. Yeah. Va te faire enculer, baisse tes morts, va te faire enculer. You. Ok, je vais t'enculer ta merde. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Et je vais t'enculer ta mère. Vous vous souvenez? Va te faire enculer, baisse tes morts. Voilà, c'était le son de Black M à l'instant sur Fun Radio. Black M avec, bien entendu, Madame Pavoshko. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier si on fait la barbée. Mickaël No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio, évidemment, avec de karaopé qu'on va faire, là. Il y a d'abord quelques petits extraits encore, là. Enfin, quelques petits extraits. Il y a des messages qui sont arrivés. Il y a Corentin qui dit c'est quoi ma chanson qui était au top 50 lors de ma naissance le 18 août 2000. 18 août 2000 pour Corentin. On a ça en stock ou pas? Oui, on a ça en stock. Ah, très bien. Vous tombez sur un site qui répertorie tout ça. Et il suffit de rentrer sa date de naissance et ça donne la chanson qui était numéro 1 lors de sa naissance. Ouais, au top France et au top mondial. Alors attention. Ah, oh, bien. Santana, ouais. T'aimes pas? Ah, je déteste Santana. Il était bien le morceau, j'aime bien. Moi j'aimais bien. Espèce de bouffe. C'était mort. Non, moi j'aime bien. Rock and Wolf qui dit moi c'était le 15 février 92. Tu sais me dire quelle était la mienne? Alors, bien sûr. Alors 92 là ça se sentir. Ça c'est de la merde. Soit c'est du grunge, du rock. Eh bien c'est de la merde. Ah merde, c'est quoi? Bah faut que ça démarre. Si vous trouvez, vous êtes très fort. Je connais en plus. C'était Wet. Ouais. Ah ouais mec. Oh, bravo. Là je suis bon là. Bravo. Là je suis bon là. Le mec là, on est pas wet, bon wet, pas. Wet. Ah oui. Et tu peux, le titre tu peux ou pas? Ah oui, t'as tout le monde demande une. Ah Ah, je peux pas. C'était Good Night. Ah, Good Night. Good Night Girl, pardon. Wet, wet, putain, j'ai mis une. Même Polo, il était surpris. Non, ouais, franchement, parce que. Je pensais pas que tu le trouverais. Wet Wet Wet, ils sont connus, mais pas pour cette chanson-là. Non, ouais, ouais. Ils ont une autre. Ils ont fait d'autres, ouais. Wet Wet Wet. Ah ouais, bah voilà. Hein. Eh, belle chanson, hein, en 92. Hein. Ouais, non, c'était pas mal. Voilà. Sinon, il y a Cécile qui voulait savoir le 20 septembre 87, c'était quoi, 20 septembre 87 alors, 20 87, c'était Confetti's, là. This is sound of c'est... Non, c'est pire. Ah bon, c'est quoi? Oh, Vanessa Paradis. Ouais. Oh là là là là, Joe le taxi. Quelle merde. Putain, c'est bon ça. Oh là là. Et alors, il y a Robographe aussi. Le 1er mai 92, c'était quoi? Alors, le 1er mai 92, silence dans le studio. Attention, j'ai peur. Ah non, silence. C'est quoi? Oh, là on est bon là, 1er mai 92. Et vive le 1er mai 92. Ouais, la fête du travail. Et c'est numéro 1 ça? Oh, c'est bon ça. Mais ils mettent pas le temps que c'est resté numéro 1 donc. D'accord, ok, putain. Allez, tu as l'album bien entendu Nevermind, yeah. Avec le petit bébé qui a un petit billet d'un dollar qui est en plein milieu de la piscine ou de la David mer. David Grohl à la batterie. Exactement. Viendra par la suite le chanteur Cobain, le chant, Fighter. Et la guitare. Ah c'est bon ça. Eh hey, je t'aime bien. Qui c'est qui est né cette date là? Merde, j'ai effacé le message. C'est Robographe. Voilà, Robographe. Et eh ben bravo Robographe. Tu es né la plus belle année, 1er mai 1992. J'aurais kiffé être né le 1er mai. Non, parce que sinon j'aurais pas connu donc. En fait non, j'aurais pas kiffé être né le 1er mai 92. J'étais content de le vivre plutôt. Et Titi là, on lui a pas demandé le pâtissier là, la date de naissance là, c'est quoi? Moi je suis né 10 mars 83. Ah alors... attends. Au moins 2 secondes quoi, un peu de kiff. Parce que pour ceux qui n'ont pas de culture justement ou qui sont nés plus tard, à l'époque, ça a bastonné sur Fun. Hein. Mais ouais. ça cartonne, hein. même sur YouTube, là, ils sont 150 millions de vues quand même. Hein. Ah, ouais. Alors que quand Kurt Cobain est parti, il était déjà loin, il y avait pas YouTube encore. Non, ça a passé à mort hein, sur Fun, avant là. Pour la culture. Même. Est-ce que Jérémy est vraiment sûr qu'il veut connaître sa chanson? Bah oui. Bah passer derrière Nirvana, après ça va être dur. Mais ouais, bon, mais alors, non, vas-y. Mais là c'est plus que dur. Hein. Alors vas-y. Ah, paie à ton âme, Kurt. Hop, attends. Vas-y. C'est mon ordi bloqué. Ah oui, pas d'eau d'un coup. Hop, non, il peut pas jouer. Ah, c'est de ça aussi alors. C'est resté pendant des années, numéro 1 là. Ah, mais c'est. Ah là là. Quoi, il a bugué là le PC? Attends. Bon, c'est bon ou pas? Parce qu'il y a le caropé qui pousse là. Il y a Mickaël qui voulait jouer, Sabrina, il y aura Élise, il y aura également Rodolphe. Alors, attention. Ça charge. C'est quoi tu m'as dit l'année là? Ça charge. 83. Alors en 80. Ouh là oui, It is a mort, là on va être bon. Ah oh là là, on va être très très bon. On va être bon là. Est-ce que je vais retrouver? Et pour. Ça, c'est du tennis stuff. Oh, oh il est fort bon. J'ai demandé s'il était sûr de vouloir savoir. Danse, chante, danse, mets des baskets. Chouette. Ah putain, là on vient. C'était. Enfin, on m'a forcé à mettre ça parce que c'était dans une prison, on m'avait mis ça dans les oreilles, c'est pour ça que je connais la chanson par cœur. Oh la torture. C'était de la torture. Oh la honte. Oh c'est dur hein. C'est quand même mieux que Polo hein. Je sais pas. Ouais franchement. Ah moi je préfère Titi Gros Minet. Polo c'était la musique de Titi et Gros Minet, Titi et Sylvestre au ski. À la montagne. À la neige, voilà, c'est ça. Donc, quand même chaud. Là. Bon, continuez si vous voulez qu'on se marre encore avec vos dates de naissance et surtout avec la musique qui était numéro 1 quand vous êtes né. Voilà. Bon, avant de prendre Christine, avant de prendre Amine, avant de prendre Coco, eh bien, nous allons faire le karaopé. Le karaopé, c'est avec Sabrina qui est avec nous dans l'Aisne. Salut Sabrina. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ma foi, plutôt pas mal. Dans l'Aisne de mouton ou C'est drôle, non, ça. Non. L'Aisne de roche. C'est drôle, dans le 02, hein, dans l'Aisne. Voilà, c'est ça. Alors, ma petite Sabrina, tu vas jouer aux côtés de Élise, qui est avec nous dans l'heure. Salut Élise. Oui. Comment ça va? Re-salut. Eh ben, re-salut Élise. Eh oui, Élise qui est une douce, hein. Ouais. Très douce. Voilà, très très douce, très bien. Donc tu vas jouer avec Sabrina, Élise, et de l'autre côté, oui. Du côté des mecs, il y a Rodolphe qui est avec nous de Nantes. Salut Rodolphe. Salut, ça va? Ça va et toi? La forme. Tant mieux. Eh ben l'équipe va plutôt pas mal, hein, tranquille. On vient de se foutre de la gueule de Titi de pâtissier qui était passé avec sa chanson pourrie là. Donc les forbans, magnifique. Magnifique, magnifique. Et puis Mickaël avec nous. Ouais. Tu vas-y Rodolphe. C'est quoi le 8 avril 1986? Le 8 avril 1986. Oui, à la fin du caropé, je te dirais ça. Ah ben, j'ai redémarré mon ordi. Ne bouge pas, oui, parce qu'on a les ordinateurs les plus rapides du monde. Et Mickaël également, 24. Ouais. Bah, t'es quelle année, toi, Lise? 2001. Oh mon dieu. Ouais, mais quelle date? Le 4 novembre. 4 novembre 2001. De quoi? Le 7. Ah, le 7, pardon, 7 novembre, très bien. Ah, et, bon, c'est noté. Et l'autre, c'était? Et 7 novembre, et Rodolphe, c'était combien? 8 avril 86. 8 avril 86, voilà. Vous aurez ça à la fin du caropé, voilà, si vous êtes bon. On fait ça à la fin du caropé. Et Mickaël avec nous d'Orléans, ça va, Mickaël? Ça et toi? Ça va, tranquille, en forme. Je connais ma date de naissance. Ça, te connaissant, ça m'étonne pas. Bon, quelle date de naissance, c'est quoi, toi? 16-11-89. 16 novembre 89, très bien. Et toi, Sabrina, comme ça, on fait le tour. Hein. Moi, c'est 24 août 1984. 24 août 1984, très bien. Parfait, hop, ça, c'est fait. Tout est noté, t'en vas chercher. Tout est noté. On va y aller, vous êtes prêts pour jouer au karaoké? Allez. Le principe est simple, Rodolphe, Mickaël, l'équipe des garçons, Sabrina et Lise, l'équipe des filles. Je vous passe un extrait de musique remixée version paix. Il faut me donner le nom du groupe ou le titre de la chanson, d'accord? Okay. Très bien. D'accord. Allez, attention, on y va, c'est parti. Premier extrait qui est, ma foi, très très très connu. Et je vais être bon. Pour vous donner un indice direct, ils n'ont fait qu'un seul titre. Et je donnerai, enfin, il y a une question subsidiaire, c'est il faudra donner le point commun entre tous les groupes. D'accord, on y va. Mickaël. Ouais. Sexo Asso. Hein? Bah attends, non, on va pas faire. Attends, j'ai bugué, je vais avoir arrêté le truc. Sexo Asso. Écoute au moins, Mickaël, là, fais pas le malin, écoute. Un groupe. Vous voyez pas? Rodolphe. Pas d'idée. Mickaël, tu peux te mettre dans un endroit où il y a moins de bruit, s'il te plaît? Parce que tu fais chier tout le monde, Mickaël. Je sais. Personne n'entend à cause du bruit des voitures qui attends, passent. Là, c'est bon, là. Bon, c'est bon, là. Pas d'idée? Pas d'idée. Non. Bon, c'est un espèce de... C'est plus petit qu'une ville et il y a plein de gens dedans. Ah oui, oui, je sais, c'est... C'est... Ah, ça fait un carton sur le bus, c'est ça? Ça fait quoi? Un carton sur le buzz sur internet. Ça a fait un carton sur le buzz. Il faut savoir que quand la chanson est sortie, Mickaël, puisque tu fais le malin, internet n'existait pas. Ah d'accord, Bon, pas d'idée? Non, pas d'idée, non. Non. Vraiment qu'une, tant pis, non, zéro point pour tout le monde, c'était Village People. Avec YMCA. Oui, 1977. Oui, enfin, t'emballe pas, Mickaël. Bon, allez, hop, on y va. Deuxième extrait. En plus, ouais. Deuxième extrait. Donnez bien votre prénom d'abord, hein, si jamais vous trouvez. Hein. Deuxième extrait. Écoutez, là, on est dans les années 80. Les années 80. Ah ouais, ça, c'est facile. Hein. Enfin. Mickaël. Non, t'emballe pas. Il est resté coincé, mais c'est ouais, pas ça. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Eh ben, c'est pas ça. Bon, je remets. Alors, écoutez bien, on met ça en règle générale ou pendant les périodes de Noël? Ah, putain, oui, d'accord. Merde. C'est dur, hein. Non. Sabrina. Non mais je sais plus. Rodolphe. Last Christmas. Oui. Mais oui. Eh oui, merci Rodolphe. George Michael aux commandes. Et je sais c'est quoi le point commun. Ouais, pour l'instant. Ouais. Allez, attention. C'était le groupe avec George Michael. Exactement, mais il fallait trouver ce point d'abord. Même si c'est toi qui as le point, Rodolphe et Mickaël. C'est vous qui avez le point. Extrait suivant, bon, écoutez bien. Calme-toi. Et souvenez-vous bien de tous les titres originaux, puisqu'il y a un point commun avec tout ça qu'il faudra me donner à la fin du jeu. Écoutez bien le troisième. Oh, ça c'est chaud, hein. Il est anglais. Anglais? Ouais. Et il est sœur. Rodolphe. Elton John. Oui. Ouais, Rodolphe. Voilà, Can You Feel the Love Tonight. Merci le Rodolphe, ouais. 2 points pour les garçons, 0 pour les filles. Les filles, c'est comme vous voulez, hein. Il n'y a pas des trucs un peu plus jeunes? Ah non. Ah non, désolé. Ah non, ah si, il y en aura peut-être un tout à l'heure, ouais, peut-être. Oui, si, il y en a encore un qui risque d'arriver, là. Bon, Sabrina, tu joues aussi quand tu veux. Hein. On y va. Attention, lui aussi n'a fait qu'un seul titre. Et ça lui a permis de se mettre à l'abri pour toute sa vie. Hein. Écoutez bien. C'est en français à la base. Hein. Nickel. Nickel. Bon, tu dis Olaide. Non. Non, pas français. Non, pas ça. C'est en français, Born to be Alive. Vous voyez pas? En français? Ouais, en français, ouais. Je veux pas du tout. Je vous donne un indice. Vas-y, vas-y. Où sont-elles? Ah, où sont les femmes? Oui! Ah, il a pas dit son prénom! C'est vrai. Il a pas dit son prénom. C'est vrai. Alors après, Élise. Nickel. Où sont les femmes? Bonne réponse. De Patrick Juvet, bien sûr. Ah oui. Patrick Juvet, cherchez encore. Ah ouais, bah cherche encore un peu là. Voilà, bravo Élise. Tu vois, finalement, t'as trouvé, hein. Du haut de ses 12 ans là, elle a trouvé. Bon, attention, dernier extrait, 2-1 pour les garçons, 1 évidemment pour les filles. Le dernier extrait vaut 10 000 points, 100 000 points. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va. Ça c'est récent ça. Vous voyez pas? Non. Non. Il fait partie d'un jury. Un jury? Élise. Rodolphe. Non, pas Garou, non. Rodolphe. Rodolphe, Mika. Oui. Ouais. C'est Kiri. Eh oui. 102 points pour les garçons et 1 pour les filles. Oh, on a gagné. Eh ben bravo les mecs. Ouais. Grâce à Rodolphe, putain, j'étais perdu. Eh ben voilà, comme ça, moi, c'est fait. Bon, Sabrina, malheureusement, c'est perdu. Hein, oui, ça, c'est... Ouais, bah, on gagne quoi? Mickaël? Ouais. Dis donc, t'as été tellement mauvais, tu grattes encore un cadeau, toi? Y a pas une bonne réponse que t'as donnée. Oh, s'il te plaît, on y a pas une seule bonne réponse. Tout ce qu'on peut faire pour toi. Ah, attendez. Le point commun. Vous emballez pas. Le point commun, c'est quoi? Mickaël, Rodolphe. Ils sont tous gays. Ouais, bravo. Effectivement, c'est une bonne réponse. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, commençons par Élise là, parce qu'elle voulait les chansons de son anniversaire là. Quand vous êtes né, il y avait quoi qui cartonnait? Quel était le numéro 1 au top 50 quand vous êtes né? Élise, c'était quelle année encore? C'était le 7 novembre 2001, Élise. Alors, et ça donne quoi? Ouais, 7 2001. C'est la chanson ça? Ouais. Et si tu crois? Oh putain, encore. Oh là, il est pas tout seul. Quoi ça? Eh oui, ça c'est quand t'es né, Élise. Il est pas tout seul. Eh ouais. Ah oui, sous le vent. Ouais. Ah ouais. Sous le vent. Bon bah bravo Élise, hein, tu nous as mis cette musique là au top, hein. Bravo. Hein. Bon, et Sabrina là en 83? Attends, on laisse arriver Céline Dion. Oh non, on s'en fout. Avec... Salut, c'est Céline Dion. Et je vais chanter avec mon ami Garou. Elle est là. Non, elle est pas là. Bon, allez, hop. C'est bon, hop là. Alors, c'était quoi après? Alors, Sabrina, c'était quand là? 84. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, attention. Ah, là aussi, c'est du lourd. Hein. Alors, c'est quoi, 84, vas-y. Ça va être du lourd, ouais. Celui-là aussi, si vous trouvez, vous êtes balèze. Tant qu'elle a pas chanté, une fois qu'elle a chanté, c'est mort, c'est trop facile. Tentez à fond. Désirless? C'est quoi? Ah, presque. Jean Mas. Ouais. Oh là là. Jean Mas. En rouge et noir. Ouais. Non. C'est pas celui-là? C'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah oui. Ah putain, bravo Sabrina, putain. Ah ouais, alors. Ah t'es au top là avec Jean Mas. Bon, c'est le... au top du top ça. Ah ouais, toute première fois, ouais. Ah bah bravo. Attends, et alors Mickaël d'Orléans là, c'était quelle date lui? 16-11-89. Alors en 89 là, 6 novembre, alors... 7 novembre 89, c'était quoi? 16-11-89. 16 novembre, pareil. Alors, tiens. Alors celui-là, si quelqu'un trouve, parce que même moi je le connaissais pas. 15 fois tu le dis, à chaque fois on trouve. Non, celui-là je connaissais pas du tout. Danny Brion? Jive Bunny? Non. Ouais, ah bah oui. Comment tu connais Jive Bunny, quoi? J'ai jamais trouvé de ma vie. Tu crois? Et les mecs, il y a de la culture, il y a pas de culture. Ah, c'est ah oui, c'est balèze. Ah, mais c'est un remix. Non, non, c'est l'original. Non, c'est l'original. C'est un remix. Non, en fait, c'est l'original de Jay Bunny, mais la version de base, c'est autre chose. Ah, ça, tout ça, c'est des remix. C'est des vieilles musiques des années 60 et 50, ça. Ouais, c'était Jay Bunny. Ça, c'est Happy Days. Bon, et alors, bon, bah, Mickaël, ouais, tu sais, et puis alors, Rodolphe, pour terminer, là. Rodolphe, combien tu m'as dit? 8,86. Alors attention, là aussi c'est dur. 86, vas-y. Ah, ah ça c'est gold ça. C'est gold. Ouais, bon, ouais, c'est dur hein, ça aussi. Ça c'est que les ça c'est les soirées ringardes à la fin quand tu veux faire partir tout le monde. Ouais, tu mets ça pour les faire fuir. Cette flamme était bon. Cassez-vous les mecs, c'est parti. Bon attends, écoutez. Ils sont tombés. Avec Claude François. Ah oui, ils sont partis. Ohé, ohé, ohé. Bon allez hop, on va terminer. Bah bravo en tout cas, merci d'avoir joué avec nous, Rodolphe, Mickaël, Sabrina et Élise. Je vous fais des gros bisous, vous revenez quand vous voulez. Ah bah vas-y, vas-y. Oui, attends, chacun son tour. Vas-y Rodolphe. Alors moi je passe une petite hier à Steven, là, qui est sur la route, qui rentre chez lui, puis qui était en début de soirée à la maison. Il a dû m'entendre là à ce moment-là. D'accord. Et je fais un gros bisou à ma petite femme que j'aime. Et puis bah merci, merci. Merci à Mickaël aussi de la participation. Bah avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Allô, Mickaël. Mais merci à toi aussi Mickaël, Fun Radio. Oh, c'est gentil. M'avoir invité à jouer. Bah avec plaisir, voilà. Tu reviens quand tu veux. Ouais, quand tu veux, t'es chez toi, il n'y a pas de problème. Ça roule. Bah, merci Rodolphe. Salut à toi, à bientôt. Hein. Bah ouais, je reste en ligne. Du ouais, coup. Ouais, tu restes là, ouais, t'inquiète. Élise, tu voulais dire quoi? Pas vrai, ça te dédicace de toi. Mais oui, Élise, évidemment, il n'y a pas de problème. Je te repasse le standard, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça. D'accord, merci. Salut Élise, je te fais des bisous, à bientôt. Sabrina, autre truc à ajouter éventuellement? Oui, bah mon petit dédicace à mon petit chouchou Benoît et puis une bonne fin de soirée à vous. Et voilà. Et bah t'inquiète pas, bah, c'est gentil. Bah, merci beaucoup Sabrina, je te fais des bisous. Bisous. Salut, je t'embrasse, à bientôt. Et ben voilà, merci à Mickaël également. On aura Coco dans quelques minutes. On aura Christine, vous toutes et vous tous. Les derniers appels avec Toff. Ah ben, est-ce qu'on tombera sur du aussi lourd que tout à l'heure? Et ça va être... Ta mère, je l'appelle gentiment aussi. Voilà, c'était gentil plutôt. Hein. C'était adorable. Voilà. Va te reculer, mais t'es mort. Voilà. Tu vois le bonhomme en face de toi, ce qu'il va te faire. Il va te niquer, toi et ta mère, et puis ta bande de connards. Voilà. Niquer toi et ta mère et puis ta bande de connards. Eh, tu vas aller te faire enculer mon pote parce que si jamais je débarque, je te flingue ta gueule moi. Voilà, très gentil hein. Ok, je vais t'enculer ta mère. Ouais, d'où on va. Et je vais te niquer ta grand-mère la chauve. Trop d'amour. Va te faire enculer, grand con. Voilà, bon bref, tout ça c'est au taquet comme d'habitude. Hein. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, soyez les bienvenus. Ah bah c'est comme ça tous les soirs, hein, je peux vous le dire. Hein, 23h, 2h, on écoute Ariana Grande maintenant, c'est Problem sur Fun. Et Ariana Grande, l'instant sur Fun, c'était Problem. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël No Limit dure longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my God! Mickaël, limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, y a Colin qui dit t'es chaud Mickaël là, putain, t'es calé niveau musique. Oui, bah calé, il y a des trucs que je connais pas, mais oui, après moi j'aime bien, donc je suis un petit peu ouvert à tout. D'ailleurs j'ai déposé ma candidature officiellement sur le Twitter, hein, si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous mettre dans votre équipe. N'hésitez pas, je suis disponible. Il y a pas de souci. J'aime bien, surtout années 80, 90. Non mais ils sont étonnés, mais c'est normal pour quelqu'un qui fait de la radio de connaître, ouais, d'avoir une espèce de panel de connaître tout quoi. Mais après il y a plein d'animateurs radio qui sont des brels. Ah oui, bah ça c'est voilà, ça, on le sait, ouais. Qui ne connaissent pas grand chose. Enfin bon, je ne citerai personne, bien entendu, ils se reconnaîtront. Il y en aura d'autres tout à l'heure, hein, si vous avez envie qu'on balance la musique qui était numéro 1 le jour de votre naissance, vous balancez votre date de naissance sur le Facebook. Ou alors sur le Twitter, vous mettez le hashtag et Mickaël et puis on va faire tout ça avant la fin d'émission. Alors évidemment, je pourrais pas évidemment mettre l'extrait pour tout le monde, mais rassurez-vous, je vous mettrai le lien avec plaisir. Avant de prendre tous ceux qui restent dans le standard, il y a encore du monde, il y a Christine, il y a Corentin, il y a David, il y a Coco, et ben nous allons faire les derniers appels de Toff. Ah oui, déjà, derniers appels de Toff, puisque nous avons décidé d'appeler ce soir pour voir si ils utilisaient souvent le fouet pendant qu'ils faisaient l'amour. Parce parce que grâce à ce grand livre de littérature qu'est 59 degrés, a priori les gens se lâchent un peu plus. Tout à fait. Donc on y va en appel ? Allons-y. Allez, grâce au numéro que vous avez envoyé comme tous les soirs, et continuez, hein. Ce soir on n'aura pas le temps d'en appeler d'autres, mais en revanche on remettra le couvert dès demain, bien entendu. Bien sûr. À partir de 23h. Allez, c'est parti, on y va. Aurons-nous un nouveau Best est mort ou pas ? Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimiez que votre mari vous mette des petits coups de fouet quand vous faites l'amour. Ça va, vous êtes pas bien, vous voulez que je vous le passe, tiens ? Bah, si vous voulez, madame. Didier, viens voir, il y a un connard, là. Ah merde, oh, bah, là, on a pas eu Didier. Bon, on va le rappeler pour avoir Didier, attends. Allez hop, ah, bah, Didier, prends le téléphone, merde. Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Hé, hey, regarde bien. Oui. C'est qui toi, ce nez ici, handicapé, bon. Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Tu t'appelles Toff, fais bien attention à ce que tu fais, handicapé, bon. Mais oui, mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Mais non, mais il a raccroché, on était à Charleroi. Hein. Ah oui, je pense, ouais. Allez, hop, attends, on rappelle encore un coup, là. T'es qui, toi, handicapé? Allez, on rappelle. C'est Didier, hein. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais on a encore été coupé, vous avez pas répondu à la question. Ouais, quelle question ? Ben, je veux savoir si vous mettez des coups de fouet à votre femme quand vous lui faites l'amour. Regarde bien. Oui ? Je sais pas qui t'es, fils de putain. Je m'appelle Toff, monsieur. Tu t'appelles Toff ? Fais bien attention quand tu fais des blagues ainsi au téléphone. Mais c'est pas une blague, monsieur, c'est une question. Regarde bien. Le jour où j'apprends qui t'es. Oui ? Oui, t'as... Fils de putain de ta mère, regarde, sonne plus jamais sur mon numéro, je te le dis, c'est sonne plus jamais sur mon numéro, t'as compris? Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur, allô? Ah et non, bah pourtant il a pas Didier donc, hein. Ouais. Ouais, bon, c'est Didier. Fils bah, de putain. Fils de putain, enfin. Écoute bien. Eh oh. Bon, il y a Christine avec nous, l'Arcachon, là. Salut Christine. Oui, salut. Ah, ça faisait longtemps, Christine. Bah oui, tu nous manquais. Bah oui. Et bah alors. Je suis encore sur le rosé. Ah bah oui, ça on n'en doute pas, on a que les portes ce soir. Bon, oui, alors Christine. Christine. Pour le harcèlement. Oui, toi c'est ta bouteille que tu harcèles, non? Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Et pour une fois, Dieu sait que ça m'arrange. Christine, nous sommes à la fin des 2 heures sans pub. Dans 3 minutes, malheureusement, la pub va partir. Oui, je suis là. Donc oui. Tu n'as rien entendu, c'est parfait. Harcèlement. Bon. Alors Christine, donc, qu'est-ce qui t'amène? Le bassin d'Arcachon. Ah putain, je peux pas. Qu'est-ce qui t'amène, Christine? Oui, je suis là, Mickaël. Il n'y a pas de problème. C'est ça le problème. Le pompier, donc il s'est passé au flic. Je crois qu'il y a la pub qui pousse. Non, c'est un connard que j'ai accroché. Et aussi il gueule derrière là comme un ouf. Bon, qu'est-ce qui se passe, Christine? Qu'est-ce qui se passe, Christine? Front National. Oh, mais on s'en branle, passe-nous Christine. Oh, passe-nous Christine, on s'en fout de tes conneries là. Relou, là. Bon, oui, très bien, allez. T'as raison. Allez, repasse-nous Christine. Il est relou, lui. Bah, oui, mais t'as raison. Et tant pis. Putain. On va prendre Christine après quand l'autre débile là, il sera calmé. Corentin, t'es là? Corentin. Salut, Mickaël. Ah, t'es là, Corentin? Ouais. Oh putain, ça fait calme là. Un peu, ouais. Ah ouais, parce qu'avec Christine, ils sont rosés là. Oh, il m'énerve le truc qu'on fait. On peut avoir un petit best est mort pour nous calmer là parce un, petit best est mort. Ouais, un petit best est mort. Tu lui mettre effectivement, ouais, pourquoi pas, ouais. Va te faire enculer, best est mort, et va te faire enculer. Voilà. Bon, Corentin, qu'est-ce qui t'amène? Ouais, c'est pour le harcèlement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais harceler aussi? Bah, avant, ouais, par mon ex. Qu'est-ce que t'as fait pour t'en débarrasser? Bah, je l'ai envoyé chier, mais méchamment. Genre, t'as dit quoi? Bah à la fin je lui ai dit qu'on pouvait se faire enculer, qu'elle pouvait crever, que je n'avais rien à foutre. Ah, tu lui as pas dit d'aller baiser ses morts? Va te faire enculer. Non, par contre j'ai pas dit un baiser ses morts. Ah ouais, ah, bah ouais. Écoute, donc, t'as peut-être bien fait, avec tout ce que tu lui as dit avant, je pense qu'elle a eu sa dose. Hein. Et depuis, plus de nouvelles? Non, plus rien. C'est peut-être la solution, hein, visiblement. La peur. Ouais. Bah c'est oui, bien. Mais ça l'est peut-être, va savoir. Bon bah comme ça au moins ça donne des conseils à tous les autres. Hein. Faut peut-être parfois. Non mais il y a un moment quand la fille ou le garçon ne comprend pas, il faut parfois peut-être être un petit peu plus agressif, un peu sec, pas violent non plus, mais un petit peu pour qu'il ou elle comprenne. Il y a un moment, c'est bon, vous n'allez pas non plus le garder sur le dos pendant toute votre life quoi. Bah merci en tout cas Corentin d'avoir appelé. Hein. Je peux faire un petit dédicace. Eh ben vas-y, hein, choisis une personne, choisis la bonne. Ouais, je mets une petite dédicace à ma petite sœur Inès. Très bien. Eh ben écoute, on l'embrasse. Quel âge elle a? Je peux avoir un petit pack fun aussi. Ouais, pas de problème. Tu quel âge elle a, petite sœur? Non, mais c'est pas ma petite sœur. Enfin, c'est, je la considère. Elle a 13 piges. Ah, comprends. D'accord, ok. Pas de problème. Ouais, ouais, le pack fun, pas de problème. Je te renvoie chez Sandro au standard. On va prendre tes coordonnées. Ne bouge pas de là. Et puis, on va se faire aussi le son de Kiesa avec Hideaway. Ça va arriver dans quelques minutes. Fin des 2 heures sans pub. On se met quelques secondes de pub et on revient évidemment direct après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on lance une heure sans pub sur Fun Radio maintenant. Et il y a Steph qui voulait aussi la chanson par rapport à sa date de naissance, le Tanguy du web aussi, Pauline pareil, Club Med aussi. Alors on fait ça dans quelques minutes, le temps de passer le son de Kiesa maintenant sur Fun Radio. Hideaway, on reviendra aussi avec David, avec Coco également, vous toutes et vous tous en direct. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? Ah, excusez-moi, j'ai poussé avec mon coude sur le bouton. Désolé, Kiesa, on va le remettre, hein, on n'est pas des enculés quand même. Non mais j'étais en train d'écouter, ferme ta gueule de merde, ton enculé, vrai, hein. Il est là, et en fait j'étais avec mon coude et le truc s'est arrêté. Bon, on va le remettre, vas-y, hop, voilà, hop, c'est parti, 1h44 sur Fun. Je me disais, c'est marrant, il n'y a plus de son, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ça. Bah oui, c'est bizarre. Take me higher than I've ever been before. Eh ben voilà, jusqu'au bout là, qui est ça à l'instant avec Hideaway. C'est mieux quand il s'arrête pas en plein milieu, hein. Quand je mets pas mon coude par exemple dessus. Ouais, il paraît que les gens en profitent plus. Bah, il paraît que les gens en profitent plus, effectivement. Allez, continuez à balancer vos messages, on est en direct jusqu'à 2h du mat avec encore plein de choses à faire avec Polo contre le reste du monde. Et puis avec aussi le défi d'hier. On a commencé hier soir avec le gainage. C'était le principe était de rester en mode planche, hein, c'est ça. Tout droit, sur la pointe des pieds et surtout sur les coudes, enfin sur les avant-bras, coudes et avant-bras. Vous avez certainement vu ça sur Facebook et sur Twitter. Il y a eu plein hier avec le hashtag 30... j'ai oublié. Défi 30 jours. Ah oui, défi 30 jours, voilà, c'est ça. Donc, ils ont testé hier, ils devaient rester 20 secondes. Aujourd'hui, on remet 20 secondes. Ouais. Et puis, on va augmenter au fur et à mesure. Hein. Il y aura 30 secondes demain et ainsi de suite. Ouais, dimanche, c'est... Ouais, dimanche c'est 30 secondes. Ouais, dimanche c'est 30 secondes. Donc on y va. Alors, moi je peux pas voir, mais il y a Titi le pâtissier qui est à côté, hein, qui va bien vérifier que ils sont bien totalement en mode planche. 20 secondes, c'est parti. 3, 2, 1, go. Voilà. Donc là ils sont en mode planche. Donc comme je le disais, comme si en fait on faisait des pompes. Bah sauf qu'en fait ils font pas des pompes, hein. Ils sont en mode planche et ils doivent pas bouger, ils sont sur l'avant des bras, on est à 14 secondes, 15, 16, 17, 18, 19, stop, 20 secondes, stop. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, mais je vous vois là, on a l'impression que vous voulez faire, c'est genre le dernier qui va se lever, il a gagné. Bon bah. Non mais, et parce que dans... Et surtout dans 30 jours, faudra qu'on fasse presque 5 minutes. Hein. Bah oui, je sais bien. Mais franchement, je l'aurais bien fait, mais bon, j'ai encore, ouais, j'ai encore des dégâts au niveau du dos d'il y a un mois. Mais donc. Oui, évidemment, évidemment. Et puis comme ça joue sur le dos en plus. Donc... Voilà, c'est ça, ça joue sur le dos. Oui, je comprends. Je peux pas me permettre. On va décéder. Mais non, ça va aller. Mais mec, déjà 20 secondes, bah, c'est violent. Contre, on va se faire chier. Ça, c'est. On mettra un 10. Oui, bon, on fera ça. Ouais. On va plutôt faire ça comme ça. Ouais. Bon, alors, il y avait du monde. Il y a Steph qui voulait connaître sa chanson le 1er décembre 82. Est-ce qu'on peut avoir ça sous la main? Et je vous mets à 2h du mat également, là, à la fin de l'émission, je vous mettrai le lien sur le Facebook de l'émission pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer en direct avec leur année de naissance. Oh putain, il tape sur des bambous, ouais. C'est numéro 1. Eh ben bravo, putain, quelle horreur, Steph, putain. Allez, il tape sur des bambous et c'est Philippe Laville. Bravo. Oh là là, dur, Steph. Oh. Alors le Tanguy du web, 30 décembre 96. Ça c'est pas mal. Ah, c'est quoi? Oh, gala. Freed from desire. Ouais, bon, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. One more. Bon, alors, titre suivant, Pauline, 15 juin 93. Ça, c'est... On peut être bon en 93. Hein ? On pourrait être bon en 93. On est très bon. C'est quoi ? Ah merde, attends, c'est un live. Ah, yeah. Non, c'est ça. Gary Moore. Non. Hein ? Bah, si. Bah, si. C'est pas le titre que j'ai. Parisian Walkways 93, c'est le titre. Pas du tout. Hein ? Ah oui, non, t'as raison. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, effectivement, j'ai confondu. Je l'ai sur le bout de la langue, ça peut me rendre ouf. Ça, c'est ah, pour ceux c'est qui... Attends. Pour ceux qui gèrent les blind tests, ah, etc. Quand il y a un truc, on l'en. Dire Straight. Ouais, il y a Jacques Dupont qui l'a. Dire et je me suis dit non. Jacques, ça va. Jacques, il l'avait trouvé sur un. Ouais, non, mais ça va, j'ai failli le dire donc. Je l'ai pas dit parce que je pensais que c'était pas la bonne réponse, mais au moins je l'avais trouvé, ça va. Dire Straight, très bien. Ouais, c'est bien ça. Bon, c'est la version live, mais c'est un peu. Mais j'ai pas trouvé de version normale. D'accord, ok. Et alors, Club Bête, si vous voulez savoir, le 10 février 84. Et je pense que ça va être du lourd. Ah oui, ça, oui, 84, c'est pas du lourd, c'est du très lourd. Attention, opus. Jamais, j'avais une chance sur. Non. Ah, non, vas-y. C'est plus lourd que ça. Vas-y. Normalement, là, vous êtes déjà du coup. Jackson en fait. Ouais. Ah, ouais. Thriller. Ouais. Bah oui. T'as juste sur une pointe de fortune. Eh oui, mais c'est, il est tellement connu, ce parti. Ah oui. Eh putain, ça, c'est la classe, Club Med. Hein. Eh, mec, le jour où t'es né, il y avait Michael Jackson qui était au top avec Thriller. Là, t'es où bien, là? Avec les loups et tout, t'es au top, là. Bien Club Med là. Bon, si vous en voulez d'autres là, vous demandez rapidos là, hein. On est bientôt à la fin de l'émission là. Il y a Jordan qui dit je vous adore les gars, merci Jordan. Ah là t'es bon là Club Med, t'es au top là, c'est une des meilleures là ce soir avec Nirvana évidemment. Bon allez, allez-y pour les autres, il y a Polo contre le reste du monde dans quelques secondes. On va d'abord terminer avec Coco qui est avec nous là de Paris. Salut Coco. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien. Eh ben tant mieux Coco. Oui, bon. Aujourd'hui j'ai fait mon petit sport favori. Alors, je me suis fait fouetter. Ah, voilà bien. Parce que t'es un mauvais garçon. Alors, on dit, tu as droit à ta fessée tous les week-ends aussi. Ah, d'accord, ok. Ça fait un peu mal, hein. Ah bah c'est normal, c'est un coup de fouet, hein. C'est pas c'était le principe, hein, que ça fasse mal un peu. Hein. Bon, il faut aimer, hein. Oui, bah ça c'est sûr. Hein, ça, c'est... Si on peut tout dire, hein. Oui, bah c'est clair. Donc tu fais ça, tu fais ça depuis longtemps ou pas? Est-ce que tu te fais enculé puisqu'on a le droit de tout dire? Est-ce que tu fais ça depuis longtemps? Ça fait un an. Ça fait un an. Mais comment tu peux? Moi c'est mon âge, je pourrais pas. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai vu un film. C'était un film de pirates et le mec se faisait fouetter jusqu'au sang. Ah oui, mais ça arrive, bien sûr. Et il le laissait comme ça, il le laissait pourrir et tout. Mais et depuis, moi, ça m'a traumatisé. Comment tu peux aimer te faire fouetter? C'est pas. Voilà, parce qu'on sent quand même. Mais en fait, ça fait mal. Les fesses toutes rouges. Et après, on met des pinces, on met des tétons. Ça fait mal un petit peu. Tu te fais enculer un peu et ou pas? Voilà, ils sont masqués. Mais tu connais la fistinière, toi? J'ai entendu parler, mais j'ai jamais été. Oui, non, bah, enfin oui, vous êtes entendu. J'ai vu le reportage. Oui, t'as vu le reportage, pas très bien. Est-ce que tu te fais pincer les couilles ou pas? Oui. Oh putain, est-ce que tu te fais claquer les couilles? Ah ouais, ça fait mal, hein. Ah oui, ça fait mal. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça m'a. J'adore. Qu'est-ce que tu fais d'autre? T'adores. Non, mais j'aime bien, j'adore. Oui, on est quarantaine de personnes. Oh là là. Il y a vie. C'est un milieu assez spécial. Ah oui, ça, oui, c'est sûr. Ça, on se doute. Et est-ce que vous faites une queue leu-leu ensemble? Ah, ça arrive. Ah, vous vous enfilez chacun comme une espèce de domino, vous enclenchez? Ouais. Comme ça, des fois à quatre pas, dans toutes les positions. Ah ouais, c'est génial. Écoute, ouais, c'est même une bougie l'autre jour dans le cul. Ah, une bougie dans le fion, normal. Ça fait mal. Sans déconner. Allumé? Non, pas allumé. Non. Ah oh, merde, c'est pas drôle alors. Ouais, c'est ça, ouais. T'es pas rock'n'roll dans ta tête, ma gueule. Ah bah ouais, ma gueule là. Ah, t'aurais quand même pu faire un effort. C'est très hard, hein. Mais sans un pétard allumé, paf. Non, là on ferait pipi dessus. Ah. Ah bah oui. Ah bah oui, forcément, ouais. Ah ouais, et donc tu prends ton pied avec ça, toi? Ah ouais. Bah t'as bien raison, hein, note. Bah écoute, ouais, voilà, si tu te marres avec ça, et tu fais ça tous les week-ends, des petits coups de fouet, tout ça, là. Ce soir, je vais pas essayer parce que j'ai un peu mal au dos. Oui, bah c'est normal, oui. Mais tu vas remettre ça le coup ce week-end, là, non? Ouais, il y a tous les âges, hein. Ah oui, ah bah, tu sais quoi, limite, on va te rappeler dimanche ou lundi pour voir un peu ce qui s'est passé ce week-end. Oui, dimanche. Oui, oui, voilà, c'est ça, dimanche. Tu vas gérer ça avec Sandro, je te repasse. Vers quelle heure? Eh ben, je sais pas, tu vois ça avec Sandro, mais pas trop tôt. Ouais. D'accord. Oui, c'est mieux. Oui, c'est bah, je te confirme, ouais. Salut, bah écoute, bah bon coup de fouet alors, hein. Oui, je vais demander, c'est possible, je sais pas, j'aurai le temps de le passer, c'est Calvin Harris, tu veux dire? Ouais. Oui. Parce que Harris, c'est autre chose. Alors, là non, mais il va pas passer. Ah si, il va passer. Bah, tu sais quoi, on le mettra juste avant de partir, Calvin Harris. Ah, c'est gentil. Bah, je t'en prie. Je t'appelle dimanche. Tu crois? Eh ben voilà, dimanche, on fait ça, ouais. Tu crois que tu peux passer un de ces quatre fouetter Toff ou pas? Ah, ce serait bien, ça. Ah, faut pas... Ouais, mais il a pas l'habitude, peut-être. Non, mais c'est pas grave, je la prendrai. C'est pas grave, il prendra l'habitude. Ouais. Il prendra l'habitude, t'inquiète pas, ouais, y a pas de problème. Bon, je vous dis à dimanche. Eh ben, on fait ça. Et merci, hein. Merci à toi, Coco. À bientôt, en tout cas. Bon, bah, très bien. Polo contre le reste du monde. Polo against the rest of the world. C'est comme tous les soirs sur Fun Radio. Et puis, on aura le top tweetos également dans quelques secondes sur Fun Radio. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. Et comme tous les soirs, je suis là rien que pour vous. Eh oui, car je me déplace. Je fais deux pas, en fait. Je change de... Exactement, de place. Là, parce qu'il faut que j'explique, j'ai pas de standard là où je suis, donc je suis obligé de venir juste prendre la place de Toff. Voilà. Et donc je suis au standard et on va commencer tout de suite avec Vlad. Vlad, je t'écoute. Allô, Vlad. Captain Polo. Oh, allez, casse-toi, réfléchis un peu, ils sont un peu plus speed. Allez, Sia. Oui. Salut, qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de faire partie de ton armée. Non, t'as quel âge? Ben, j'ai 23 ans. Non, c'est pas possible. Sofiane. Oui, bonjour, ce serait pour devenir un nom officiel, s'il vous plaît. Ouh, toi, tu essaies de m'enfumer, toi, Sofiane. Hein? Tu essaies de... T'as quel âge? 12 ans. T'es sûr? Oui. Bon, Sofiane, mets-toi à genoux. C'est fait? Ouais. Sofiane, tu as décidé, en ton âme et conscience, de rentrer dans la grande armée des doux. Oui. C'est ça, moi qui suis le grand maître de cette confrérie, je vais pouvoir accéder à ta demande. Sofiane, insulte-toi. Je suis un connard, je suis un PD, un enculé. Stop, ça suffit, vas-y, ouais, est-ce que t'as ton téléphone dans ta main? Ouais. Et allez, tape-le-toi sur la tête. Ok. Stop, oh là là, calme-toi. Bon, Sofiane, tu es officiellement hindou. Ouais. Bravo. Ah, Sofiane, bah, Sofiane. Tu es le doux de 1h, de 2h du matin. Ok. Ça marche. Allez, ciao, le commissariat. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure tardive, mais on reçoit des plaintes comme quoi vous auriez dit des je t'emmerde à beaucoup de personnes. Ah non, vous vous trompez. Donc tous les mercredis soirs, vous appelez une jeune femme, vous lui faites des je t'emmerde. Ah non, pas du tout, non. Alors, vous savez que les je vous emmerde, on les prend pas en compte. On prend que les je t'emmerde. Mais je ne fais pas ça. Ah, bah, elle me dit, monsieur Polo, ouais, les je t'emmerde, je vous emmerde. Non, vous vous trompez. Jean-Jacques Dulac. Oui, c'est pourquoi? Bah, je sais pas. Bah, oh, toi, tu fais le malin, j'aime pas ça, dégage. C'est pas moi qui t'ai appelé. Le pote de Christine, c'est en Polo contre le reste du monde. Hey, je crois qu'ils ont... C'est insupportable. Je crois que t'es en train de te noyer, le pote. Oh là là, putain, il m'a saoulé, insupportable. Vlad. Hey, t'as pas ton poutine là, oh. Qu'est-ce que tu veux, Vlad? Tu me fais même pas honneur là. Tu me laisses même pas parler à ton poutine. Et je t'ai laissé parler. Parle. Ouais, ben c'est toi là, ton armée. Bon, allez, dégage d'ici là. Allez, Sia, le retour. Oui, j'ai une confidence à te faire. Ouais, vas-y, je t'écoute. T'as jamais pensé à investir du pognon pour ta gueule de détraqué psychopathe? Alicia? Oui. Tu pouvais pas me faire plus plaisir que de m'insulter comme ça, tu sais. Et alors explique-moi, si je devais investir du pognon, c'est pour faire quoi? Pour la refaire? Bah, pour refaire ta gueule, t'as vu la tienne? Ouais, je veux bien la refaire, mais t'as de l'argent pour moi ou pas? Ou t'as pensé à toi, 30 secondes? Non, j'ai pensé à moi seulement. Sofiane? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bah, moi je suis devenue hindou. Ouais, bah c'est bien, tu peux te casser maintenant, tu vas pas nous saouler pendant 2 heures. Ouais, salut. Eh ben alors casse-toi. Merci Sofiane. Le commissariat Bayard. Oui, donc rebonsoir. Elle nous a aussi dit qu'elle entendait des nique ta mère la pute. Ouais. Enfin, allez nique ta mère la pute, pas nique ta mère la pute. Il y a aussi des bestes et morts. Ouais. Vous avez pas honte? Non, pas du tout. Allez, Jean-Jacques Dulac. Oui, mais là, c'est ce que je comprends plus rien. Hein. Pourquoi vous m'appelez? Et pourquoi vous dites quoi, je sais pas. Hein, Jean-Jacques? Jean-Jacques? Pourquoi? Allez, casse-toi, personne t'a appelé, dégage d'ici. Le pote de Christine, le retour. Oh là là, mais écoute. Oh là là. Je crois que. Je crois que t'es en train de mourir. Le pote de Christine! C'est insupportable, insupportable. Bon, allez, on va faire un dernier tour et on va se barrer parce qu'il y a un moment donné, faut pas déconner. Vlad, conclusion, s'il te plaît. Allez, nique ta race. Avec plaisir, j'y vais maintenant. Alessia. Oui, oui, pense à ta sérieux, hein. C'est pour le bien de l'humanité. Hein. Très bien, parfait, je te remercie. Allez, dégage. Sofiane. Oui. Oui. Bah, je suis toujours là. Hein. Bah oui, bon, on va y aller, le doux. Conclusion. Va te faire enculer, parce que c'est mort, et va te faire enculer. Sofiane, conclusion. Ouais. Bon, allez, dégage. Eh, vous avez remarqué un truc, ils peuvent faire des dédicaces, mais ils en font pas. C'est ça. Énorme, ils sont vraiment bêtes. Le commissariat Bayard, conclusion, s'il te plaît. Bon, allez, nique ta mère, la pute, elle va te faire enculer, gros bâtard. Et best est mort, surtout. Hein. C'est ce que je vais faire et ce soir. Best est mort, Tof, best est mort, Tof. Nique ta mère, la pute, gros bâtard, enculé, t'es mort. Moi, je t'enculé. Bon, allez, casse-toi, c'est trop. Le pote de Christine, on conclut, s'il te plaît. Bon, d'accord, ok. Ok, ok. Bon, merci le pote de Christine, on va y aller nous, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui l'ont écouté et merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça, ça n'a pas de prix. Ah oui, ça n'a pas de prix, non, effectivement, ouais, je confirme. Bon, allez hop, on va se faire le générique dans quelques minutes et on va, et aussi d'ailleurs, donner les résultats du top Twittos. Quel est l'auditeur qui a été le plus influent ce soir sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques secondes. Quel est donc le numéro 5? Ça vient, ça vient. Ah oui, bon, enfin bon. Ça charge, ça charge, ah, ça, ça charge. Chier. Très bien. Ah, que tu changes d'ordinateur. Hein. Bah, j'aimerais bien, parce que celui-là, est vraiment, radio, là. Il est vraiment loin. Voilà. Alors Sandra pour le cinquième. Numéro 4. Fredes 34. Numéro 3. Virginie 66. Numéro 2. Vladimir Poutine. Et numéro 1. Nadia Le Prince. Qui a déjà gagné, donc qui c'est qui est le résidu? Faut qu'on cherche, je crois que Sandra l'a déjà gagné aussi, donc faut qu'on regarde plus bas. Faut qu'on regarde un petit peu plus bas, très bien. Bon, on t'en a le nom demain, du ouais. coup, hein, du, ouais. Du gagnant ou de la gagnante, on fait qui repart avec le sextoy offert par passagedudésir.fr, évidemment. Bien évidemment, très bien. Bah, une bonne chose de fait. Ouais. Merci également à Titi le pâtissier qui est passé nous déposer cette magnifique tarte à la pomme, oh, qui n'y a plus. Bon. Hein. Tarte aux pommes, bon. Terminée, oh, c'est fini. Hop. Non, non, il reste une part encore. Ah, il reste une part. Bah, Tof, il a déjà bouffé deux. Non, là, moi, je peux plus, là. Moi, je peux plus. Ah, bah, attends, bah, je la laisse pour Polo, alors. Parce que moi, j'ai encore un peu de route, là. Après, c'est pour quelqu'un, pour un pauvre jeune homme. Ah ouais, ou Sandro, où tu parles? Ouais. Très bien. Oui, dans le besoin. Si je peux me permettre, j'aimerais juste faire un débat. D'abord, on va y sur Vilaine Pro et après, tu pourras te permettre. bien évidemment, c'est arrivé près de chez vous. Hein, ah oui, l'homme a de la culture. Un petit peu. Pas mal. Bon, vas-y, Titi, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, en fin de compte, j'aimerais juste faire une dédicace à Nadia Le Prince. Oh, ouais. Je pense qu'il se passe un truc entre les deux. Il y a des pattes arrière à casser là. Ouais, je pense non, que. Non, du tout, mais elle m'a dit la prochaine fois que tu vas à la radio, essaye de me faire une dédicace. Donc, et bah, voilà. Très bien, bah, au moins le message est passé. Bon, tu reviens quand tu veux avec des petits gâteaux. Hein. Y a pas de souci. Bon, t'hésites pas, moi j'aime bien les gâteaux tarte à la fraise avec la crème pâtissière, j'adore. Et les macarons à la vanille. Ou les macarons à la vanille. Ou même les éclairs au chocolat, mais vanille. Crème pâtissière à l'intérieur, hein, pas de mousse au chocolat, c'est dégueulasse. T'inquiète pas, je te promets un truc pour le mois de juin. Parfait. Et ben, oh là, voilà, on est au top avec ça, tiens. Ah ouais, on va être au top. Bah, merci en tout cas d'avoir tous été connectés là comme ça. Et, ce soir, il y avait Rastadeth, il y avait Denis, il y avait Brandon, il y avait Colin, il y avait Clems, etc., etc. Il y avait Nadia, bien entendu. Merci à vous. Gros bisous tout le monde. Générique de fin. Ouais. On va partir comme d'hab. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Qui ne peut plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Va te faire enculer, bête, t'es mort, et va te faire enculer. Va te faire enculer, bête, t'es mort. Tu vois un bonhomme en face de toi, ce qu'il va te faire. Il va te niquer, toi et ta mère, et puis ta bande de connards. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont canadiens. Eh, hey, tu vas les faire enculer, mon pote, parce que si jamais je débarque, je te flingue ta gueule, moi. Toi l'enculé. Je vais t'enculer ta mère. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des vite top de sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi, ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Bah alors, suce ma bite. Eh ben y a pas eu le suce ma bite à la fin là. Bah, il a été censuré le suce ma bite. Bah qu'est-ce qui s'est passé alors? On va enquêter. On va enquêter pour voir ce qui s'est passé à la fin. Heureusement que j'ai eu l'intelligence et le réflexe de faire le suce ma bite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si on peut plus compter sur les sur le bas peuple. Ah bah on ne peut plus. Bon bah passez une bonne nuit tout le monde en tout cas. Merci d'avoir été là ce soir. Bon congé, on sera là demain, hein, même si c'est congé demain, vous inquiétez pas, on sera là à partir de 23h en direct sur Fun Radio. Je vous souhaite une bonne nuit, amusez-vous bien, bonne grasse mat pour ceux qui ont la chance de faire la grasse mat demain. Et puis bon, on se retrouve avec plaisir demain pour la dernière de la semaine à partir de 23h avec le canular du jeudi. Ah demain. Et oui, j'espère que ça va être encore bien bien lourd. Salut tout le monde, à demain, ciao, je vous embrasse. 23h, 2h. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Fun Radio.